J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. La meuf s'est grattée la chatte, mais violent. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel, tous les lundis. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour à tous. Oh ouais. Ouais. Yes. C'est nouveau ce jingle. C'est ah oui, tu il était pas là. J'ai pas entendu. Il y avait ça dans la dernière. Dans celle où tu étais absent. Moi, je l'ai entendu ce que j'ai écouté. Ouais. Moi, j'écoute pas si je suis pas dedans. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue et bonsoir si vous nous écoutez le soir dans Floodcast, le 14e épisode. T'as commencé comme Dieudonné, commence ses vidéos. Commence comme Dieudonné ça. Commence comme ça en disant ouais. Bonjour à tous ou bonsoir si vous regardez ça le soir. Ah, à la fin, chaque vidéo. À la fin, j'ai envie de dire, ouais, enfin, quelque part, on s'en fout. Et puis, les juifs. Alors, nous sommes ce soir avec trois invités. Nous sommes tout d'abord. Dont zéro juif. Dont très, très peu. Non, mais il faut le dire. Ça compte très fort. Non, non, mais il y a une transparence qui est belle. Nous sommes avec Bruno Muschio d'Inavo. Ah oui, bonjour. Est-ce qu'on dirait pas Muschio? Je m'appelle Bruno Muschio. Ah, Muschio, excuse-moi. Pas de problème. Autant pour toi. J'ai tendance à lier. Peux-tu te présenter, Bruno, pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Bruno Muschio, alias Navo. J'ai co-écrit et co-réalisé Bref. Et après, le reste, les gens s'en battent les couilles en général. Non, je trouve que tu as écrit... Enfin, moi, je pense à un programme court. Ouais, dis le truc, oui. Je le trouve vraiment bien, mais donc, après... Lequel Serge Lemiteau. Serge Lemiteau. Je pensais à Serge Lemiteau. Nous sommes également avec Léopold. Bonsoir. Dit La Pérave. Je suis le seul auquel personne n'a applaudi. C'est vachement agréable. Pardon. Non, mais dis Le Pérave. Vas-y, ok, pardon. C'est Le Pérave. Non, mais je retente. Léopold dit Le Pérave. Ouais, ouais. Oh yes. C'est incroyable ce qui se passe. Ça, d'accord. Ça, oui. Bah oui, La Pérave, ça n'existe pas, putain. La Pérave, ça veut rien dire. Bah oui, non, mais je sais. Léopold, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh ben écoutez, je m'appelle Léopold, c'est mon vrai prénom. Et mon nom, c'est Le Marchand. Voilà. Bah, c'est con, je dis ça parce qu'ils vont taper sur Facebook, ils vont m'ajouter et puis ça va être chiant. T'es déjà énervé. Voilà, t'es déjà très, très énervé. Je me casse maintenant. Et je fais des vidéos sur Internet à peu près partout. D'accord. Je fais des vidéos et je les diffuse partout. C'était voilà. Le genre de mec, quoi. Donc, je suis pas Facebooker. Tu cherches le buzz. Hein. Exactement, ouais. Tu es quelqu'un qui cherche le buzz. Exactement. Écoutez, je suis très heureux que vous soyez là, ce soir. Vous écoutez le podcast, vous savez à peu près comment ça se passe à peu près. Nous allons commencer par la rubrique culturelle. Mais genre, Adrien Méniel, on s'en bat les couilles de... Bah alors, oh là là, attendez, il est là. Attendez, il est là. Je jouais un petit peu la comédie. Oh putain. Attendez, il est là. Il est de retour. Oh. Le grand, le seul, l'unique, l'homme dont l'épaule ne se démonte plus, bien qu'il tire à des... Je me suis perdu. Ouais, okay. Il s'agit d'Adrien Méniel. Adrien Méniel, aujourd'hui, je suis allé sur sa page Facebook et j'ai vu qu'il y avait écrit auteur, réalisateur, je crois. Ça, auteur, réalisateur, perfectionniste. Ah oui, c'était très marrant comme bio. C'est très... De toute façon, quand t'es drôle en très peu de mots, c'est que t'es un génie. Bah, mais Adrien Méniel, le génie. Adrien Méniel dit le génie. C'est le meilleur début de podcast depuis que ça existe. Ah, c'est pour Adrien, ça. Peux-tu te présenter pour les gens qui ont commencé le podcast avec celui de la semaine dernière et qui, du coup, peut-être ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Adrien Méniel. Je suis un bougnat de Paris. J'adore la poudre de perlimpinpin. Je m'exprime que en t-shirt. Un peu nul. Ouais. Bien sûr. Est-ce que t'es un mec de Montmartre, du coup? Je suis un mec de Montmartre. Mmh. Parfois, je dis verge, mais la plupart du temps, je dis bite. Oh, yes. Et je suis un papa au rhum. Oh la vache. Papa au rhum, vraiment? Oui, bien sûr. Bah, en tout cas, si vous êtes une marque qui fait ce genre de t-shirt, n'hésitez pas à nous appeler. Adrien les portera avec grand plaisir. Ou n'hésitez pas à crever. N'hésitez pas à retrouver votre vrai job que vous aviez avant. C'est pas fait pour tout le monde, les t-shirts. Car cette mode va vraiment s'éteindre bientôt. Quoi. Je pense que dans un an, c'est des pyjamas. Sachant que les gens mettent ça le dimanche ou pour aller se coucher. Quoi. J'ai remarqué un petit truc, vous allez me dire si vous faites pareil. Est-ce que vous êtes d'accord que les pubs sur Facebook ou Instagram, des fois, ça te montre un objet qui est bien, mais tu n'utilises pas la boutique? Oui, c'est que moi, je cherche l'objet pendant deux heures après pour trouver la vraie marque du vrai objet. Est-ce que les gars la cachent et tout? Ouais. Je fais alors quel est le vrai modèle? Moi, je vais sur Amazon. L'acheter dans une vraie boutique. C'est horrible, je vais sur Amazon. Et en général, c'est sur Amazon. Ouais. Mais en fait, du coup, ils font de la pub pour le vrai gars qui a fait. Tu vois, j'ai acheté tout à l'heure un sac à dos. Je voulais le vrai. Est-ce que c'est le sac à dos oui, anti-pickpocket ouais, voilà. Ah, il s'est fait avoir. C'est quoi ce truc-là? Non, bah non, j'ai. Bah, non, je veux dire, non, il s'est fait avoir. Non, parce dire, que tu la pub, t'as attrapé. Ah oui, quoi. Bah j'ai dit, mais il a l'air super ce sac à dos. Mais pourquoi cette boutique a l'air vraiment naze avec écrit 99,9% de solde avant demain. Il reste que 11 heures avec des trucs japonais mal écrits et tout. Je dis non, attends, c'est bizarre. Et j'ai cherché pendant 2 heures le vrai sac à dos. Je l'ai trouvé, je l'ai payé à la personne qui a créé ce sac à dos. Ah, d'accord. Le prix. 85 euros. Okay. C'est correct. C'est correct. Transparent ce soir. Voilà. Bah, non, oui. On dit les choses. Donc, nous allons commencer par la première partie de l'émission, celle où nous partageons avec le peuple, le monde, la terre entière. Allô le monde, Pauline, une chanson que je vous conseille à c'est écouter. C'est pas Pauline, Pauline. C'est Pauline. Allô le monde. Pauline, c'est Pauline. Est-ce que tout va bien? Allô le monde. Elle a fait un tube, je ne comprends plus rien. Et on est d'accord qu'on a tous connu cette chanson grâce à Danny Boone, qui avait invité Pauline. Ah putain, moi, parce que je me souviens de. Les auditeurs, dites-nous en commentaire ou sur Twitter en laissant bien sûr 5 et étoiles. Et les auditrices, j'ai commencé inclusif. Évidemment. Et en mettant des blagues un peu agressives, parce qu'il adore ça, Flaubert. Dites-nous si vous, votre plus vieux souvenir de Pauline, c'est Danny Boone pour la promo Bienvenue chez les Ch'tis qui dit j'invite une chanteuse que j'adore, elle s'appelle Pauline mais et moi, elle fait Allô le monde. Je connais, j'ai jamais entendu cette chanson. Ah ouais? Ni le, cette chanteuse, je sais vraiment. Un peu piano, voix. T'as jamais entendu parler? Vraiment, je connais pas. Attends, je vais vous la mettre parce que bon. Ah bah ouais, s'il vous plaît. De toute façon, derrière je moi, connais je... Cédric Pioline, je sais pas si c'est un rapport. Non, non. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Non, parce que Pauline, c'est un prénom féminin en fait. D'accord. C'est juste le prénom. Je pense que c'était son prénom en fait. D'accord. Ou alors c'était le prénom de sa grand-mère pour faire un peu style, genre hommage. Mais genre, mais si tu la cherches, si tu la trouves. J'aimerais bien savoir ce qu'elle devient. Mais moi, je alors, pense, elle si like on... beaucoup de photos sur Instagram. Je si la vois on... beaucoup sur Instagram, liker des trucs, commenter des. Ah, parce que tu la suis? Non, je suis des gens connus et elle commente des. Enfin, je pense qu'elle est amie avec des gens connus vu que bah elle a quand même fait Allô le monde. Mais... Et du coup, elle commente des photos de Gilles Lelouch. Mais de... elle doit pas faire que ça, parce que ça rapporte pas grand chose. Alors, détrompe-toi. Ah ouais. Un bon okay. Like, ça peut se vendre bien 500 euros. Je te fais écouter Adrien pour voir si tu te souviens. Moi, j'ai juste une question. C'est, si tu prends un tuyau d'arrosage et tu l'asperges, est-ce qu'on peut dire que tu trampolines? Tu trempes Pauline. Alors permets-moi de rebondir sur ta blague. Ouais, je vais te mettre ta chanson. Ouais. C'est pas mal, non? Ouais. Ah, ça y est, ça me dit quelque chose. Mais tu croyais que c'était Zazie, alors c'est pour ça. Ouais. Peut-être. Non, mais peut-être que vous aviez pas. On l'a pas très bien chanté. Je voulais pas le dire comme ça. On est ensemble sur RTL2 jusqu'à 18h. Les arrangements jouent beaucoup. Non, c'est vraiment que je chante très fort. On vous fera gagner l'album de Pauline avant la fin de l'émission. Et allez, on prend un café, on se réveille. Allez. Les croissants, ça sent bon, là. Allez. Donc, est-ce que vous avez vu des trucs récemment que vous avez apprécié dans le domaine du culturel? Adrien, tu n'étais pas là la dernière fois, du coup, j'ai envie de commencer par toi. Bah, moi, je crois que je vais redire... Alors, non, évite de redire un truc que tu as déjà proposé. Je te rappelle qu'il y a des émissions qui ne sont jamais sorties. Ah oui, hein. D'accord, bien sûr. Donc, il n'y a que moi qui est au courant, donc tu peux y aller. Oui, ouais, tu n'étais pas obligé de dire que tu allais le redire, parce que c'était humiliant pour Flaubert qui... Non, il n'y a rien qui est humiliant pour Flaubert. On a dit que c'était transparent. Oui, tu as raison, c'est transparent. Flaubert, combien d'émissions t'as raté? 2. Voilà. À la enfin, suite. 3, c'est vous. Si, à la suite. À la suite, en plus. À la suite, je crois, ouais. 3, si vous comptez la première upload de celui où il n'y avait pas Adrien, où vraiment la première version avait des micros non, en moins. Non, ça va. Donc, ça va. Je l'ai écouté en première version, c'était très bien. Okay. On n'entendait pas trop Antoine Daniel, et ça, d'accord. Je peux dire que c'était vraiment un truc encore mieux, quoi. Mais non, je t'adore, Antoine. Oh, wow. Mais j'adore ça Antoine clash. Daniel. Ah, putain. Et c'est quand le prochain What the Cut? Oh le bâtard! Je voulais lui dire, je pouvais, j'étais pas là. Bah non, tu pouvais pas. Bah, non, le sniper. Sinon, je lui aurais vraiment dit toutes les 5 minutes. Le sniper était trop loin de sa cible, il a pas pu tirer. Sauf qu'en plus, les blagues qui font vraiment du mal, je trouve que c'est vraiment les plus drôles. Parce que lui, ça le fait vraiment souffrir, ce genre de blague. Si, là, justement. Il fait genre, très marrant, mais en vérité, il a mal au ventre. Ouais. Je pense pas. Moi, je l'ai vu pleurer du sang une fois. Donc, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend. Ça peut être dans un contexte bienveillant. Ça peut être justement une façon de se réapproprier le mal. Là, le contexte était bien puisque tu criais juste « Eh, c'est quoi le prochain What the Cut ?» Non, mais très bon contexte. Il sait que je regarde pas What the Cut, donc c'est... non, c'est parce que... Que tu crois. Peux-tu nous dire, Adrien ? Déjà, Adrien n'est pas venu la dernière fois parce qu'il y avait Antoine Daniel, donc il a prétexté un mal de crâne. Attention, là, on va croire que c'est faux, j'étais pas bien. Oui, on t'a eu au téléphone. J'ai même sorti de chez moi et j'ai fait demi-tour, j'étais pas bien. Ouais, t'es comédien, je sais que tu peux manipuler la foule comme rien. Oh, vache. T'es malade, Adrien, ça va? Bah non. Oh la vache, putain. Mais mec. Non, Non, non. Mais... Ah, j'y écris aussi. Attendez, là par contre. Oh, mais... Non, mais ah, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, attends, je fais le 911. Okay, non, non, ne vous inquiétez pas, c'est... je jouais. Oh là là, mais. Okay. Mais... Hey, oh, ça va quoi? C'est peut-être réalisateur de cinéma. Tu jouais tellement bien le malaise ouais, ouais. que j'ai voulu appeler directement le 911. Ouais, parce que t'as appelé les États-Unis. J'appelle pas le 112. Là, c'est un carré qui est en train de crever. Alors, on m'a dit que 911, c'était un numéro universel et que ça marchait en France. Ouais. Et ben, on va les appeler. Mais en Europe, c'est le 112. On va appeler le 911 et dire on a tué quelqu'un et voir ce qui se passe. Mais par contre, ça rajoute des étapes, j'ai remarqué. Parce que j'ai déjà, alors pour une raison vraiment, vraiment nulle, hein, j'appelle 112 pour une raison vraiment pétée. Mais en fait, tu te rends compte que le 112, vraiment, c'est. Mais 112, c'est pas les renseignements ? Non, c'est 118 de 118 maintenant. Avant, ah, c'était le 12. Ah, oui. Ouais. 118, ah, c'est de 112. Franchement, le 112 depuis un portable. Le 112 depuis un portable. Papy Méniel, ça va ? Non, non, regarde mais... trop de numéros à se souvenir. Non, mais, non, mais j'aurais pu garder le même en mettant un devant, c'est quand même plus pratique. Non, le 112 depuis un portable, t'arrives sur une plateforme qui t'envoie vers les pompiers, vers le SAMU ou vers la police en fonction de ce que tu lui dis. Ça, c'est pas mal. Ça. Donc, c'est une étape. C'est pas Miss Bongo, ça ? Voilà. Pardon ? Comment ? Miss Bongo, personne connaît la référence. Non, non. Non, mais si vous êtes auditeur et que vous avez la référence. Là, quand t'as dit Rêve Bongo, juste à côté, entre crochet en bleu, en petit, j'ai vu Rêve Nécessaire. Non, Miss Bongo, c'est un. Là, la ref, c'était Wikipédia. Il y a pas mal de gens qui ont fait. Personne n'avait la ref Wikipédia. La pub, il y a pas très longtemps. Et en fait, c'est un service, t'envoies un texto. Et, ah, c'est et tu comme reçois un autre des texto. Et il y a une personne qui t'envoie ton nom, ton prénom. Et là où t'habites, avec qui tu sors, etc. Et en fait, il se trouve que ce... Quoi ouais. Moi, j'ai rien compris pour l'instant. Et si, tu peux parler bien près du micro, s'il te plaît. T'envoies ton nom et ton prénom à ce numéro-là, et un message te répond avec plein d'infos sur toi, avec qui tu sors, là où tu traînes, etc. Ah, les trucs genre envoie 8-12-12, ouais, c'est pas vrai. Ouais, mais là, on va trop loin. Enfin, c'était juste une référence que vous n'avez pas vue. Non, mais attends, mais est-ce que ça existe ? Est-ce que ce service existe vraiment ? Il existe vraiment, et d'ailleurs, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps. Parce ils viennent de perdre 112 auditeurs qui viennent de se tuer. Non, truc culturel. Non, tout le monde est suspendu aux lèvres de Léopold. Plein de gens ont fait la promotion de ce truc-là. Mais est-ce que la réponse est vraie ? C'est-à-dire, est-ce que si moi je l'envoie, oui, ça, ça dit, bien. Bah voilà, tu t'appelles ah ouais, Bruno ça Muschio, marche, ça marche bien, ouais, ouais, tu traînes avec un bien. Gars qui s'appelle il Flaubert, tu détestes Adrien, les trucs comme ça, il m'envoie le... Wow. Mais en fait, c'est des gars qui vont sur Facebook, qui vont sur tes réseaux sociaux et qui cherchent et qui trouvent les infos. Ah ok, quoi. Ils te stalkent et ils te donnent les réponses. Ça, okay. C'est simplement ça. Et ouais, mais t'aurais dû dire ça. Ça a été polémique parce que des gens sur YouTube et des gars de la télé-réalité ont en fait la promotion. Et en fait, c'est un service payant. Et il ne le dit pas forcément. Ouf. Donc, en fait, à la fin du mois, tu as 50 euros de leur forfait. Pour juste savoir qui t'es. Vous ne le voyez pas, mais je viens de Dabé. Adrien, veux-tu du coup nous partager ce que tu voulais nous dire sur ce que tu as aimé culturellement récemment ? Alors, attends. Oui, attends, juste, on va faire une pause parce que je veux le titre exact. Ça, pas de souci. Tu parles de pas Bongo, couper. Non, pas de souci, Adrien. Tu peux faire une pause. Nous allons écouter un peu de Pauline en attendant. Allô, le monde ! C'est bon ? Est-ce que tout va bien ? Ok, c'est bon, ah, Pauline. C'est, dommage, tu peux... c'est quoi le nom de la chanson ? La chanson s'appelle Allô le monde de Pauline. Alors, moi, j'ai regardé une série de documentaires qui m'a donné envie de dire Allô le monde, est-ce que t'es devenu fou, tu vois ? Ah ouais, bah wow. Dis-nous. Alors, je commence en faisant une blague, mais en fait, c'est vraiment un truc atroce. Mais j'encourage quand même les gens c'est à, sur Netflix à le regarder. C'est toujours sur Netflix. Deux secondes pour. D'accord, mais. C'est sur Netflix ? Ça finit comment ? Bah, tu regarderas. C'est un truc sur un voyeur ? C'est pas sur un voyeur. Peut-être je mettrais, si c'est un peu trop lourd, des bruits de prout pour que les gens bah, puissent un peu se détendre pendant ta chronique. Mais n'aie pas peur, ton émission est gratuite. Non, en gros, c'est une série de documentaires qui s'appelle Time, the story of Caliph Broder, Broder, B-R-O-W-D-E-R. Et en gros, c'est l'histoire donc, d'un jeune noir américain qui avait... Pourquoi t'as fait genre « j'y peux rien » ? T'as fait vraiment le signe avec tes mains de « j'y peux rien » quand t'as ouais, dit « noir ». T'as dit « c'est un jeune ». Ah, noir hein. Bah, non, mais c'est parce que... « J'y peux rien hein. ». Non, c'est que, en gros, c'est parce qu'il est noir que le système l'a traité ainsi. Et donc, ah, c'est, oh là là. Donc, le mec avait 16 ans au moment où tout a basculé dans sa vie. Et donc, il vivait dans une foster home. C'est en fait une femme qui recueille plein d'enfants... qui recueille des enfants qui ont été abandonnés, quoi. Et donc, avec très peu de moyens, une famille très pauvre, une famille d'accueil très pauvre. Là, déjà, il démarre bien. Déjà, chambé. C'est-à-dire déjà, le background, déjà, avant que l'histoire commence, déjà, le gars n'est pas au top. Il a le vent en poupe, quoi. Cela dit, d'après la description qu'ils en font, c'était un foyer plutôt, enfin, même très aimant, et ils étaient bien traités, et oui. Ça allait, malgré le fait mais qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il était orphelin, mais il avait une famille d'accueil, il avait des frères et sœurs d'adoption avec qui il s'entendait bien, etc. Mais c'était quand même dans un quartier très pauvre de New York. et enfin de la banlieue new-yorkaise. Et en gros, il avait été arrêté une fois par les flics pour avoir. T'as déjà le prix que ça coûte d'aller à New York. Ouais. Donc, moi, je vois les prix. Déjà, le gars, de quoi il se plaint, quoi. Et ouais, en gros, c'était pour une. Il avait été arrêté une fois pour une connerie. C'était, il avait pris un. Ça s'appelle joy driving, je crois, le délit. Et c'est de prendre une bagnole et puis de rouler avec vite fait et puis d'abandonner la voiture, quoi. Il avait fait ça avec un camion de glace. De glace. Ah oui, vraiment ? Ouais, un camion de glace, vraiment. Du coup, ça faisait de la musique et tout, donc voilà, c'était un truc de gamin. Quoi. Il a fait des tours avec. Il a fait un GTA like. Ouais, ouais, voilà, mais sans. Enfin, tu vois, juste il avait fait des tours. Bon, bref, c'était. Mais c'est un nom en français, mais j'arrive pas à retrouver. On a un nom pour ça. Alors là, s'il y a des flics qui nous écoutent, des représentants des forces de l'ordre. donc, il avait été arrêté, machin. Et quelques mois plus tard, il y a quelqu'un qui l'accuse d'avoir volé un sac à dos. Fait pour lequel il plaide non coupable. Enfin, il dit non, c'est pas moi, etc. Et il est mis en garde à vue. Et en fait, le truc, c'est que aux États-Unis, quand t'es mis en garde à vue, en fait, t'es mis en prison jusqu'à ce que tu sois jugé ou alors à moins que quelqu'un paye ta caution. Sauf que sa famille, n'ayant pas d'argent, ne peut pas payer la caution. Et en fait, là, je vais te dire vraiment, genre 5% de toutes les. L'horreur de la vie de ce gars. Et en fait, le truc, c'est qu'aux États-Unis, comme le système judiciaire est très, comment dire, engorgé, enfin, congestionné. C'est combien il y a de pourcentage des Américains, enfin des États-Uniens qui sont en prison ? Non. 1%, mon pote. 1% de... 1% de leur population adulte est en prison. C'est pas un chiffre de ouf. Et c'est vraiment un gros pays, en plus. Donc ouais. Et bah justement, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, du coup, à cause de ce système où tu mets les gens en prison dès qu'ils sont arrêtés avant d'être jugés, quoi. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Et puis, ils ont peu de juges et d'avocats commis d'office. Ce qu'on fait aussi en France, je crois, mais quand c'est très grave. Quand le gars, on a peur qu'il s'en aille en courant ou qu'il change de pays. Pas quand il a volé un sac à dos. Comme il y a peu d'avocats, peu de juges, etc. En gros, ils essaient de pousser au maximum les plea deals. C'est-à-dire, en gros, tu fais un deal avec les accusés. Tu lui dis, tu plaides coupable. Et du coup, tu as un jugement vraiment ultra rapide. Il n'y a pas de procès, etc. C'est vraiment une arnaque. Et du coup, toi, tu sors direct. Mais juste, tu plaides coupable. Quoi. Ouais, et en plus, en général, tu as des avocats flingués qui te disent ça. C'est pas les gros avocats. C'est des avocats un peu qui s'en battent les couilles et qui te disent vas-y, on va trouver un deal, tu vas sortir plus vite. Mais en gros, c'est tout le système judiciaire en fait, qui encourage les gens à faire ça parce que du coup, c'est pas des procès, c'est des trucs qui durent 20 minutes. Quoi. Ils passent devant, on dit bon, vous êtes toi, c'est pas très bien. Ouais, bon, allez, vous êtes condamné à temps, tu sors direct. Ouais, tu finis 1000 dollars. Et en fait, le truc, c'est que ce mec. Donc, qui avait 15 ou 16 ans au moment des faits, il a dit non, je suis innocent, donc je démerde, enfin je plaiderai pas coupable quoi. Et en fait, non seulement il a refusé de plaider coupable, mais en plus il a refusé de rejoindre un gang en prison. Oh, la honte. Et le truc c'est qu'en fait quand tu rejoins pas un gang en prison, en fait tu te fais tabassé par tous les gangs jusqu'à ce que t'acceptes. Parce que l'idée d'un gang, c'est de te protéger et de protéger les autres. Voilà. Et en fait, c'est un signe de faiblesse de leur part, un manque d'influence, et du coup, ils tabassent. Donc le mec s'est fait tabasser par tous les gangs, il s'est fait tabasser par les gardiens, il a été mis en isolement. Normalement, en isolement, tu restes quelques jours maximum. Lui, il est resté genre des mois entiers. Je ne vais pas raconter la suite parce que c'est l'enfer carcéral un vol de sac à dos qu'il n'a pas commis. Ouais, c'est fou. Au final, il l'a vraiment pas fait. Ça prend une importance le fait qu'il ait volé ce camion de glace à un moment. Ou tu l'as précisé un peu. Non, je l'ai précisé parce que deuxième offense, c'est pour ça qu'il a été. Ça permet de dire, t'as pas juste volé un sac, t'as aussi. Il s'est fait griller la première fois quand même. Oui, la première fois. C'est parce que c'était une récidive qu'il a été mis en prison, etc. Alors que ça n'était pas une. Apparemment, qu'il était innocent pour le. Enfin, c'est ce qu'il dit, mais a priori, enfin. Faut voir le documentaire. Parce qu'à un moment, il y a un jugement ou quoi. Je vous laisse regarder le truc. Okay. C'est juste, alors par contre, vraiment. En fait, c'est très relou, c'est parce qu'en fait, c'est 10 épisodes, mais il meurt à l'épisode 2, tué par les gangs. Et après, c'est 8 épisodes vraiment où. Sur un gardien qui était là et qui fait bon, moi ça a été. Moi ça va. C'est vraiment un des trucs les plus durs que j'ai vu. Plus que Making a Murderer. Ouais, franchement. Plus que la fin de Rasta Rocket. Moi, ça me fait. Moi, c'est. Pardon, mais la fin de Rasta Rocket, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu dur quand même ce qu'il aura. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Putain, bah, je veux pas vous spoiler. Il gagne ? Pas du tout. Ah bon ? Vous êtes cinglé. Oh putain. Sérieux ? Vous êtes cinglé. Mais tu vois, c'était tellement dur que j'ai reconstruit la fin. Dans mon cerveau a préféré reconstruire la fin. Je préfère pas plus vous en dire, mais allez-y, parlez-y. Vraiment, c'est très, très, très dur. Enfin. C'est horrible. Quoi. Et tu as vraiment dit combien d'épisodes? Je sais plus combien, ouais. Mais c'est une série par contre. Enfin, c'est une série documentaire. Et alors, juste, en fait, c'est vraiment trigger warning sur genre tous les. Il y a pas de viol, mais c'est peut-être le seul truc. Non mais pas horrible. Spoiler, putain. Il y a 6 épisodes. Maintenant, je vais savoir pendant tout le truc. Il y a pas de viol. 6 épisodes. Mais il y a Jay-Z. Parce que c'est produit par Jay-Z. Donc trigger warning. Okay. Et donc à un moment donné, tu sais, ils interviewent des gens, puis à un moment, il y a Jay-Z. Qui dit je me suis fait un sacré paquet de pognon avec ce documentaire. Il y en a, ouais. Parce qu'en fait, le mec est devenu un peu un symbole, en fait, aux États-Unis de genre. Enfin, c'est devenu un héros, quoi. Genre, ouais. Le mec, il s'est. Un martyr. Un martyr. Et c'est vraiment horrible, mais en même martyr temps. Martyr McFly. Je la propose. Ça me plaît. Ok. Moi, je la trouve moyenne. Je comprends. Non, et c'est vraiment. Enfin, faut le voir, je trouve. C'est vraiment. Est-ce qu'il faut le voir pour le croire? Oh, j'allais te poser la même question, dis-toi. Ben, sauf si vous me faites confiance et je vous le raconte. Ok, bah raconte-le. Bah, voilà. Alors. Donc, épisode 1. Mais c'est sûr que là, on a vraiment envie de savoir ce qui lui arrive. Ouais, non, mais faut pas. Regarder. Faut regarder. Moi, ça me fait ça avec The Jinx, qui est un peu plus vieux, que j'ai vu. Et genre, je suis obligé de juste dire. C'est le Père Noël vert, là? Non, mais non, ça c'est le Grinch, Léopold. Tu confonds avec Gringe. Des caisses en flotteur. Oh, ça, joli. Oh, voilà. On n'arrête pas. Tu confonds avec un singe. Et The Jinx, je ne sais pas si vous l'avez vu autour de cette table. Ouais. Non. Bah, la fin, elle est ouf, incroyable. C'est la fin la plus incroyable que j'ai vue de toute ma vie d'un documentaire. Mais parce que c'est incroyable ce qui se passe. Ouais. Tu vois le sixième sens? La merde à côté. Ah ouais, imagine sixième sens, mais en vrai. Non, mais en vrai, c'est vrai que c'est fou. La fin de The Jinx. Et moi, je me l'étais fait spoiler un peu. Donc, j'étais un peu deg, mais vraiment, c'est dingue. Est-ce que du coup, tu peux dire la fin? Non. Ah, ok. Léopold. Ouais, mais alors moi, j'ai pas préparé forcément de trucs que j'aime bien, à part dire que j'aime bien Juliette Armanet en ce moment, que j'écoute beaucoup, mais ça n'a pas intéressé les gens. Moi, je suis d'accord. Là. Si, c'est super, Juliette J'aime bien son album, mais voilà, c'est tout. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer aux gens? Moi, je son frère, pas, Giorgio? Giorgio Armanet. Oh! T'as expliqué la blague Moi, j'aime bien, c'est mon spécial. Moi, je trouve ça bien. Ouais, je préfère, au cas où, tu vois. Et non, c'est juste que j'adore ses chansons et elles me rendent heureux, en fait. Donc, d'accord, mais c'est ça, qui tu vois, ça s'arrête pas. Là. C'est française, elle fait les chansons françaises. On dit d'elle que c'est la nouvelle Véronique Sanson. Véronique Sanson. Ah, c'est quoi sa chanson la plus connue? L'amour en solitaire. À la folie, en fait. D'accord. Oh. À la folie, c'est ma préférée, mais la plus connue, c'est l'amour. Oui, c'est Semaine des douanes. C'est ça, j'aime bien. Et c'est doux, c'est. Où es-tu, mon âme, ça? Où es-tu, mon ego? On peut la mettre, non? Gangsta's paradise. And to kiss the different sea. And then one digga. Tu pourras couper ça? Ouais, pas de soucis, ouais. Ou alors, je le mets en boucle pendant 20 minutes. Ce qui est aussi un truc que je peux faire à tout moment. Moi, si tu me demandes, c'est bien ce que je vais te répondre. Et je vais te dire pourquoi 20 minutes quand on peut 40. Non, mais c'est bien parce que tu vois, moi j'ai dit un truc horrible. Tu te dis, après, tu regardes un épisode du truc que j'ai dit. Tu écoutes une chanson de Juliette Armanet pour trop monter le moral. Peut-être deux, Adrien. Ouais, deux chansons. Moi, j'ai binge-watché et j'étais. Bon, après, j'étais pas heureux en commençant, donc c'est pas grave. Mais Et donc, c'est une nouvelle artiste, c'est son premier album. Moi, je connais c'est pas du tout. Son premier album, ouais. Et elle est française, mais tu vois, j'ai rien d'autre à dire qu'à part ça, tu vois. On va s'écouter un petit Juliette Armanet. Moi, j'ai une chanson sur ma drôle de vie de Véronique. Juliette Armanet. Un régal. Non, je déteste, c'est quoi, je déteste. Ça c'est Juliette Armanet. Ah, c'est Pauline. C'est Pauline. Allô le monde. Allô le monde. Bruno. Oui. Est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose que tu as bouffé culturellement récemment? Alors, j'hésitais entre The Jinx, parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, mais bon. Là, je crois que je l'ai déjà. Ça va faire meurtre contre double. Oui, non, pas ça. Et je crois que je l'ai déjà dit en plus dans un épisode. Ouais, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Et toi, tu vas le dire de mieux. Waouh. Et j'ai pas fait bref. Non, attends, mais t'as joué dedans. C'est vrai. Alors, merci. Et j'ai fait les Web Comedy Awards aussi. c'est ça le thème. La carrière de merde. Non, mais en fait, j'avais jamais vu, et c'est très vieux, mais j'avais jamais vu, et j'ai enfin découvert avec plaisir Six Feet Under. Ah putain, oui. Mais voilà. Ah, regarde derrière toi, regarde le gros coffret qui j'ai est présent. J'ai vu le gros coffret. Ma série préférée. J'adore cette série aussi. C'est ta série préférée? C'est ma série préférée, Six Feet moi, Under. Moi, c'est bref, mais après, c'est. Voilà, je veux pas faire. Moi, de... c'est bloqué. Ouais. Après, d'accord, ça va. Alors, vendez-le moi, parce que j'ai vu aucun épisode. Serge le Mytho, comme ça, on boucle le truc. Alors, je vais. Dis Serge le Mytho, moi. Dis-moi si Serge le Mytho. Serge le Mytho. Mais il connaît pas. Il regarde pas, il connaît pas. Je ne saurais comment te le vendre. si ce n'est le faire avec le talent que tu as eu pour nous vendre Juliette Armanet en te disant regarde Six Feet Under, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais non, mais c'est ça. Non, mais pour... Six Feet Under, c'est, ça parle d'une famille de croque-morts, enfin pas vraiment de croque-morts, mais de. Bah, si, ouais. Parce que croque-morts, on les imagine plus dans un cimetière. En fait, c'est ceux qui embaument le corps, donc c'est un autre nom, responsable funéraire. En tout cas. Ouais, ils ont une maison. Bah, ils gèrent pompes des pompes funèbres, en fait. Pompes funèbres, voilà, ils gèrent des pompes funèbres. Ok. Et je ne l'avais pas regardé parce que pendant longtemps, je pensais que c'était une série à l'ancienne parce qu'elle est assez vieille. C'est-à-dire que tu as les ouais, deux, de 2001, je crois, un truc deux trois premières saisons qui sont en 4 tiers. Ouais. Et après, ça passe en 16/9, donc ça va. Et là, tu as vu, s'élargit. Tu t'en prends plein la gueule. Là, ouais. Là tu dis, ok, là, c'est bon, mon vidéo proche, je ne l'ai pas payé pour rien, putain. Et en fait, je pensais que c'était une série genre de base, genre des situations rocambolesques. Et en fait, non, pas du tout. Oui, c'est ça. Mais dès le premier épisode, c'est très bien. Moi, c'est ça que je... Ouais, ça commence très bien. Et ça s'endort pas trop, en fait. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et surtout, il y a une puissance dans les personnages qui fait que tu t'attaches complètement à eux. Une force de frappe. Une force de frappe, ma gueule. voilà. Qui m'a donné envie, bizarrement, de revoir The Leftovers, qui, elle, est vraiment rentrée dans mon top 3 de mes séries préférées. Ah. The Leftovers. The Leftovers. Ah, ok, qui Leftovers. Qui est une série de Damon Lindelof. Oui. Donc le gars de Lost. Entre autres, bien sûr. Sans et les aussi autres. De Alien. On peut appeler sans Damon gars de Lost. Ouais. Ça marche. C'est exactement Damon gars de Lost. Sauf que là, il n'est pas avec les autres gens de Lost, ouais. Qui a priori, eux, c'était plus ceux qui voulaient mettre de la fumée noire et des ours blancs. Et donc là, mais t'as en même temps, truc... pour alors des charges, ils font Star Wars, ce qui est plutôt bien aussi, les autres gars de Lost. Ils font pas si bien, moi, je trouve. Oui, non, mais bon. Star Wars, c'est pas si bien. Disons, oui, non, c'est vrai. Mais disons qu'un gars qui fait Star Wars, je me dis pas, j'espère que sa carrière, ça va, parce que j'espère qu'il va s'en mettre. Non, c'est l'inverse. Je disais, il le fait sans les autres. Et apparemment, là, quand j'ai vu Leftovers, j'ai fait, ok, je vois ce que tu voulais faire avec Lost. D'accord. Okay. Mais pendant ce temps-là, il y avait des gars dans la salle d'écriture qui disaient, et on pourrait mettre des numéros qui font gagner au loto, tu vois. Mais t'es là, ouais, non, pas vraiment. Moi, je voudrais plus faire un truc sur la recherche de soi, tu vois. Ouais. Donc, The Leftovers, qui est beaucoup sur... sur le deuil et sur la disparition, la perte de proches. Oui, est-ce que tu peux, pour les gens, beaucoup de gens le regardent, est-ce que tu peux repitcher peut-être The Leftovers, du jour au lendemain, il y a, alors je ne sais plus combien c'est, ça doit être 10% de la population, ou 5%, je ne sais plus, qui disparaît d'un coup, fou, tous en même temps. Et voilà. C'est pas qu'ils meurent ou quoi, c'est juste qu'ils disparaissent. Ils disparaissent, on ne sait pas où ils sont, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que le mec est dans sa voiture, il n'y a plus personne dans la voiture se crache. Et on suit en parallèle, on va dire, il y a plusieurs personnages, mais les deux principaux. Il y en a un qui n'a perdu personne et une qui a perdu tout le monde. Elle est dans une stat, elle, où en fait, c'est super rare que quelqu'un ait perdu genre les quatre membres de sa famille d'un coup. Elle a perdu genre ses deux gosses et son mari. Et je sais plus, ben, voilà, elle a perdu beaucoup de gens autour d'elle. Et donc, tu suis ces deux personnes en parallèle, ce qui est très intéressant parce que du coup, je trouve, moi, quand je l'ai vu, ça a beaucoup résonné avec les ambiances attentats et compagnie, les catastrophes qu'on a eues. Mmh. Parce que tu vois aussi bah, le gars qui a perdu personne, tu vois quand même qu'il est entouré de gens qui ont perdu quelqu'un ou qui ont peur que voilà. Et donc, ça modifie complètement le monde. Il y a des nouvelles religions qui se créent. Mais surtout, il ne faut pas partir du principe que c'est Lost. Et assez rapidement, il envoie les bons signaux, je trouve, dans la série, où en gros, il te dit « cherche pas le mystère. » Ouais, OK. On s'en bat les couilles. C'est pas ça qui est important. Concentre-toi sur comment ils vivent la disparition. D'accord. Ouais, d'accord. C'est trois saisons, c'est fini et c'est super. Je rappelle que ça, c'est The Leftovers, c'est pas Six Feet Under. Ah, non, ouais. On a switché. Voilà. Donc c'est pas tant le côté science-fiction qui est mis en avant, c'est plutôt la disparition et. En fait, si tu te. L'affect des gens. Voilà. En fait, en gros, c'est un peu comme BoJack Horseman que j'adore aussi. Si tu te dis, tiens, je vais regarder un dessin animé, il y a peu de chances que t'aimes bien. Et bien marrer la gueule. Okay. Voilà. Ouais. Et si tu regardes en disant, okay. Ah, ça a peut-être un truc sur la dépression et sur. Ouais. Voilà, là, il y a moyen que tu kiffes. Ok. Ouais. Eh ben écoute, en plus, pour le coup, on conseille toujours du Netflix. Et là, pour le coup, les deux séries dont tu parles sont sur OCS, si vous voulez les regarder légalement. Et après, si vous dites, franchement, c'est des séries... Quoique Leftovers, c'est pas si vieux, mais si vous dites, bon, franchement, ça fait longtemps et tout, vous pouvez potentiellement les trouver sur Amazon, en DVD, ou les télécharger légalement. Six Feet ou... Under, c'est sur OCS ? Ouais, en fait, OCS, ouais, ils ont un deal avec HBO, ils ont tout. Ah, bah... Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Tu as d'autres choses à conseiller, Bruno, ou pas ou le pas Floatcast. Oh, c'est gentil, joli. Ça me fait plaisir. À tous ceux qui connaissent pas le Floatcast, n'hésitez pas à écouter quelques épisodes. Moi, j'aimerais en placer une pour Pierre et Guillaume, qui font une chaîne YouTube qui est absolument géniale. C'est vrai. Qu'ils n'ont pas assez d'abonnés pour ce qu'ils font. C'est vrai, je suis bien d'accord, c'est ce que je me dis souvent. On a fait notre max, hein. Nous, on est venus et tout, on s'est dit, on va leur montrer un peu, enfin, on va monter un peu les stats. Même nous, on n'a pas réussi. Donc après, je pense qu'ils sont un peu condamnés, malheureusement. Donc, c'est le club sur YouTube. Ouais. Donc, sur OCS, il y a énormément de stand-up. Parce qu'en fait, HBO à l'époque. Oui, c'était eux qui faisaient les spéciaux. Ouais, c'est ça, c'était eux les principaux diffuseurs de stand-up. C'est Netflix, ils ont niqué là. C'est ça, c'est un peu ça. Et donc, si vous cherchez sur tout en bas de la catégorie HBO de CS, vous trouverez Dave Chappelle, Chris Rock, Bill Maher, Dana Carvey, Dan Cook, Will Ferrell, Amy Schumer, T.J. Miller, David Cross, Bob Saget, Flight of the Conchords. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est le mec que je cherchais, était Gerard Carmichael. Le spectacle des Flights. Ouais, le spectacle des Flight of the Conchords. Putain, je suis abonné, je sais même pas. Alors, et t'as la série aussi, d'ailleurs. Je vous conseille fortement de vous abonner à OCS et de passer l'étape très triste de l'interface qui pue vraiment la merde. C'est-à-dire que si t'es habitué à Netflix, vraiment, t'es dans une tristesse, t'es dans un puits. Ah, c'était total. Et déjà, Netflix, je trouve qu'elle est un peu pourrie. Elle est parfois contre-intuitive un peu, mais elle marche très bien. Là, OCS, des fois, tu fais droite et ça va pas à droite. Je suis d'accord, c'est de la merde. Et puis des fois, pour le côté 24 heures après les US, ça vraiment, quand t'es Game of Thrones, je sens qu'ils font gaffe, mais alors tout le reste de leur catalogue. Moi, je regarde Last Week Tonight de John Oliver, parce qu'ils sont 24 heures après aussi. Ils sont jamais dispo, les sous-titres, c'est à la ramasse. Ouais, enfin, genre, c'est à la ramasse de. C'est pas juste, il y a des fautes d'orthographe, ça, moi, je m'en fous, mais il y a genre 10 secondes d'écart. Ouais, des fois, il y a des décalages. C'est un peu compliqué, quoi. Et d'ailleurs, Amazon Prime aussi, tout pourri. Moi, j'ai voulu. Alors, mais parce que toi, tu m'as tout en anglais. Juste pour finir sur OCS, comme ça je boucle, il y a quand même beaucoup de choses, dont tout ce qu'on vient de dire, ce qui est quand même pas mal. Et il y a vraiment des trucs et cool. Et il y a beaucoup de très bons contenus français, dont l'incroyable Irresponsable tout de Stéphane Cafiero avec Sébastien Chassagne, que vous devriez connaître parce qu'il était dans un podcast, mais qui n'a pas marché, qui est tombé à l'eau. Et il y a moi dans la saison 2. Oh, il l'a placé. Mais je ne l'ai pas vu. Elle n'est pas sortie encore. Okay. Elle est en montage. Oui, il y a plein de petites séries cool. Quand je dis il y a moi, c'est vraiment. Une scène. Hein. Non, mais il y a plein de. Moi, ça me suffit. Il y a plein de séries cool. Il y a aussi Lazy Company qui, pour le coup, est passé sur Netflix maintenant. Sur Netflix donc, aussi. Ouais. Voilà, les choses évoluent tranquillement. Oui, et donc Amazon Prime, juste pour faire une toute petite aparté. Bien sûr. C'est juste que quand tu veux regarder des trucs. Et France-Québec, c'est très drôle. Je tiens à dire qu'il y a France-Québec. Il a écrit les épisodes de la saison 2. Qui est une série de Jonathan Cohen et Jérémy Galland. Que vous avez vu peut-être dans Serge le Mytho dans une voiture en train de discuter. Donc Amazon Prime, c'est un service assez sympa, donc qui est comme Netflix et OCS. Il propose beaucoup de classiques du cinéma, donc ça c'est un peu cool. T'as beaucoup de. Si vous aimez les films ricains comiques par exemple, t'as tout Jim Carrey, tout Seth Rogen, tout Judd Apatow, tout ça. Tous les Jurassic Park, tous les Indiana Jones. Ils ont beaucoup d'Universal, Retour vers le futur aussi, bons machin. Classique sympatoche. Mais. Sur les sous-titres aussi, si vous avez besoin quand même de sous-titres français, ils sont un peu à la ramasse en termes de décalage de secondes et tout. Et moi, j'ai voulu tester parce qu'en fait, sur OCS, il y a Preacher, mais saison 2, ils n'ont plus la saison 1. Alors, et moi, aussi, j'avais pas eu le temps de finir. En fait, on va dégoûter les gens à force. Mais OCS, il y a aussi un truc très relou sur OCS, c'est que tout d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder cette série. Ouais. Et elle commence à l'épisode 7 de la saison 3, quoi. Ils n'ont pas avant. Voilà. Et donc, du coup, je vois sur Amazon, il y a Preacher. Je fais, ah bah cool, je vais tester Amazon, je vais me finir la saison 1 de Preacher et je continuerai la 2 sur OCS. Sauf qu'elle est uniquement en VF. Donc je ne sais pas pourquoi. Sur Amazon, je te jure, c'est vrai, impossible de passer en VO. Je te jure. Jure sur la tête de ta mère. Mais... Ah, il a craché. Il a craché par terre. Chez lui. J'en ai rien à foutre. Donc voilà. Mais après, il y a beaucoup de classiques. Et si par exemple, l'anglais n'est absolument pas un problème pour vous, c'est plutôt cool. Mais par exemple, Preacher, il n'y a même pas d'anglais. Ils ont quand même voté le Brexit. Oui, c'est vrai que c'est histoire pour eux. On va passer à la suite du podcast. Ah bah non, ça fait même pas une heure là qu'on a fait la première partie. Attends, il y a la liste de connards de Léopold et tout, il y a plein de trucs encore. Léopold, est-ce que tu peux nous lancer un petit peu avec ta petite liste de connards que tu as notée? Donc en fait, c'est des trucs... Mais t'as fait un peu un truc... Bon, je me permets une transition. Tu as fait un petit peu un truc de stand-upper, à savoir, notes un petit peu les trucs qui t'ont agacé récemment. Ouais, mais c'est pas des vannes, quoi. C'est juste des trucs qui te saoulent, quoi. Ouais. C'est un peu des. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Quoi. Mais tu le fais pour des raisons artistiques ou tu le fais parce que t'as besoin de le sortir parce que ça t'énerve trop? Non, parce que ça fait toujours marrer les gens quand je le. Ah, ok. Oh là là, ça y est, tu sais pas où t'es tombé. T'as survendu déjà. Ah non, mais. Non, mais vas-y. Non, mais ok. C'est donc... nul. Alors, s'il vous plaît, Léopold, et moi, va ça nous fait faire marrer. Allez. Ah, c'est horrible. Allez, on va s'exploser de rire. Allez, go. Allez, fais-nous rire. Ah, mais c'est pas forcément drôle, mais c'est comme les podcasts. Mais ça va nous faire dedans. On va rebondir, t'inquiète pas. Il est en train de souvent. Alors je précise que c'est évidemment après le second degré, parce que même moi, parfois, je fais des choses qui sont. Bien sûr, de toute façon, Bruno va pas être mal à l'aise, t'inquiète pas. Je suis prêt à rire. Alors en premier lieu, ça fait longtemps que j'ai parié. J'ai mis les gens qui font un statut Facebook et qui écrivent: est-ce que vous pouvez me prêter un camion? Je déménage ce week-end. Ouais. Ouais. Ça sert à rien parce que personne n'a de camion. Enfin, genre, personne n'a prêté de camion. Ok, j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien. C'est très, très précis. J'aime les. Et Flaubert est témoin que j'aime les haines très, très précises. C'est quoi le dernier que tu m'as sorti qui était extraordinaire Non, ben non, parce qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dedans. Et... Ah, bah oui, bah alors si on peut plus rien dire, excusez-moi. Pardon, bon, pardon. En tout cas, j'ai compté 3 rires, donc c'est pas mal. C'est un bon début. Bah, on est 3, donc. Continue, je t'en supplie. Le paddle. C'est quoi le paddle? Le stand-up paddle. Le stand-up paddle, paddle, c'est, hein. C'est l'espèce de planche de surf. Oh putain, oui. Tu te mets debout. Eh ben, très bien. Et tu pagayes. Non, et non, ça, c'est vraiment d'accord. Un truc de connard parce que tu prends pas de plaisir à faire mais ça. Je pense que des gens prennent du plaisir, sinon ils le feraient pas. Mais quand tu dis, il y en a parmi ces trucs que je fais, tu fais. Non, vraiment, sûr de toi. Quand tu dis, il y en a parmi ces trucs que je fais moi-même, tu fais du paddle. J'ai jamais essayé, mais j'ai envie d'essayer. Et t'as déjà demandé un camion sur Facebook? Non, mais j'en ai vu plusieurs fois déjà. Pour le moment, t'es juste oppressif avec des poulets. Pour l'instant, t'es juste un mec qui aime pas les autres. J'attends de voir ce que t'as dit. Oh, je veux aussi rire de moi-même. Moi, je voulais juste dire. Moi, si tu mets à la fin de ta liste et faire une liste de trucs de connard, ça, c'est un truc de connard, bah tu dégages. Ouais, tu dégages. Ouais, malheureusement, assumer, tu t'en vas. Moi, je voulais juste dire le paddle. Je me permets une petite anecdote. J'étais en vacances à Miami. C'est un sketch de Gad Elmaleh. Petit oiseau, si tu n'as pas paddle. Oh là là. Quitte paddle. Ça marche. Ouais, là, c'est vraiment le même mot. Voilà. Et il y avait une meuf qui m'a beaucoup impressionné. J'ai été impressionné par un paddle, ce qu'on croit au premier abord, on ne penserait pas. Et en fait, j'étais à Miami en vacances avec ma meuf et on s'est baladé dans une crique à alligator. Et en fait, on était en canoë et vraiment, on se chiait dessus parce qu'avant de monter dans le truc, vraiment, tu signes un papier qui dit que les gens qui te louent le canoë ne sont pas du tout responsables en cas de décès. Donc vraiment, moi, ça me fait un peu marrer. Yes. Et ma meuf commence un peu à flipper quand on signe le truc. Ouais. Et le moment où t'inverses toi et ta meuf pour avoir l'air d'être un vrai bonhomme dans ton couple. Non, pour le coup, non, je te jure que non. Si, non. Si. Tu sais très bien que je le dirais honnêtement si jamais c'était. Sur le scooter, c'est pas elle qui cheat sur tout. Ah non, c'est sur le scooter, toi. C'est moi. Ah, ah, sur le scooter, c'est moi, ouais, par donc exemple. Le scooter, c'est toi, mais alligator, toi, ça va tranquille parce que genre, tu maîtrises. J'ai déjà buté 3 alligators. Okay. Ça, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Donc, bref, je machin et truc, on signe le papier et en fait, moi, je me marre et donc l'américaine comprend pas. On parle un peu en français. Je lui dis non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. L'américaine nous regarde un peu, genre de quoi vous parlez. Donc, je lui explique parce que je suis full bilingue, je lui explique pour lui dire voilà, c'est, cette phrase-là, ça nous a un peu surpris et tout. Elle fait, ah ouais, bah là, malheureusement, il y a un an, il y a un petit enfant qui s'est fait croquer, 6 ans et demi, donc on est là genre, ah ok, donc vraiment, c'était il n'y a pas si longtemps. Mmh. Et donc, on fait ce petit tour, et il y a une meuf, mon gars, en paddle, au milieu des alligators, et moi, enfin, j'ai eu vraiment peur pour elle, parce que le paddle, on peut s'en moquer comme toi, Léopold, mais en vérité, c'est une vraie admirer. Force, il y a une vraie... ouais. C'est, faut vraiment est-ce qu'elle souriait? Est-ce qu'elle prenait du plaisir en face? Non. Si, si. Mais si, enfin, j'y étais. Pourquoi faire un truc qui te fait chier? Bah, mais moi, j'ai pas l'air de se faire chier. Un jour, j'ai vu une meuf faire du paddle et elle avait son chien sur la planche. Je peux te dire qu'elle était bien plus heureuse que toi. Déjà, elle avait un chien, ce qui est chambé. C'est vrai que c'est chambé. Il faisait beau et tout, c'était aux States. Il fait beau! C'est mon imitation de Stromae dans la chanson d'Orelsan. Il fait beau! La pluie. Ouais, bien. Petit effet comme ça. Faire cuire son steak en bleu. Oui. Parce que c'est juste des mecs qui se la pètent en fait. Pourquoi? Enfin, bleu, c'est une couleur. Enfin, genre, arrête. Ah, de demander bleu. Quelle cuisson? Bleu. Ben non, c'est genre, tu cuis, pas cuit. Genre, bleu, c'est le terme bleu. Les gens se la pètent, quoi. Ouais, le terme bleu m'énerve. Pas okay. Cuit, pas cuit, en fait, je trouve qu'il y a une connotation un petit peu pas finie quand même. Tartare, quoi. Donnez-le moi, mais oui. pas terminé, quoi. Top, tu veux dire point... saisi, quoi. Ouais. Je veux saisi. Mais bleu, non, saisi. Je sais pas, je bouffe pas de viande, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Mais il y a un steak de soja. Il y a des cuissons, non? Non. Ah comment ouais, on dit saignant pour un soja? Tu dis juteux. Bah non. Juteux? Non, mais tu je sais pas. Non, il y a pas tu de. Te casses, y a pas de tu te casses, quoi. Apparemment. Bah, c'est déjà cuit, en fait. Hein. Tu le réchauffes, juste un steak de soja, quoi. Ah, il n'y a pas de type de cuisson? Bah, je ne sais rien. Non, je crois pas, non. Non, je pense pas. Waouh. On peut ne pas rester là-dessus aussi. Ouais. On peut, vas-y, enchaîne. Vas-y, t'as un truc là. Le plus du fou. Le plus du fou. Mais ça, c'est nul. Ça, c'est universellement voilà. De la merde. Puis en plus, c'est pas le c'est, parc... C'est considéré comme... Enfin, il y a eu un vote. Oui, c'est élu le meilleur parc du monde. Du monde. Il n'y a pas une seule attraction. C'est que des spectacles. C'est le truc le plus chiant que tu fais pas à Disney et j'en fais partout. Quoi. Et oui, moi, c'est comme là, il y a le. Pardon, c'est qu'il y a un mec qui a été élu l'homme le plus sexy du monde, là. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, attends, c'est moi. Ah, putain. Non, mais c'est sur Twitter, là. Enfin, c'était un peu une vanne sur Twitter. Mais bon, c'est vraiment très visuel. Mais c'est juste que le mec. Non, mais est alors pour rebondir, on en parlait avec Bruno il y a, je sais pas, 2-3 semaines. Il y avait à l'époque le top 50 des femmes les plus belles du monde de TF1 où la numéro 3 était Corinne Touzet. Oui, et voilà. Ça, c'était vraiment. C'était un des plus beaux moments de télé. Ouais. Qu'avait un téléfilm le lendemain. Ouais, voilà. Mais ça, c'était un hasard. Je te laisserai pas critiquer la santé. C'était un hasard. Attends, il y avait. il y avait un huissier. Et le Puy du Fou. Mais alors, en plus, ce qui est drôle, c'est que le Puy du Fou, c'est quand même considéré aussi beaucoup comme un truc, pas de facho, mais de. Enfin, il y a quand même. C'est beaucoup. De Villiers, oui. C'est ceux qui disent la vraie France, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la vraie France. Ouais. Pendant quelques jours, on retrouve la vraie France. Mais c'est le meilleur parc du monde, vraiment. Ouais, en 2015, c'est sûr. Parce que moi, j'ai fait Universal Miami. Pour revenir à Miami, c'était vraiment sans bien. Doute mieux. C'était vraiment bien, quoi. Parc Astérix, j'ai pas fait aussi, le Puy du Fou, mais. Vraiment, parc Astérix. Une aire d'autoroute. Une aire d'autoroute avec un toboggan, mieux, quand même. Assez mieux. Qui a fait le Puy du Fou ici? Voilà, donc fermez vos gueules. Vous savez pas. Pourquoi vous dites mieux? Ça se voit. Vous n'avez pas fait l'autre. Ça se voit, écoute. Bon. Si De Villiers kiffe. C'est pour moi. Demain, on part tous les quatre au Puy du Fou. Je peux en plus. Yes. Moi aussi, je suis en vacances. Allons-y. Allez, c'est parti. On fera un floodcast en direct du Puy du Fou. Voilà. Ça peut être pas mal. Ça, c'est la vraie France. Un petit dernier, après, je reprendrai. Ah, vas-y, non, continue. Non, continue parce que j'ai aucun thème. Non, surtout, moi, je suis content parce que plus ça va, plus c'est vraiment de plus en plus très court. Tu sais, au début, c'était vraiment quand quelqu'un se lève le matin, à la fin, c'est le Puy du Fou. Genre, on sent que plus t'avances, plus t'es en galère, à la fin, tu vas dire les femmes. Pas trop un truc de connard, les femmes. Ça sert à quoi d'avoir deux genres? Je veux dire, si on avait qu'un, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Plus de problèmes de sexisme, plus rien, quoi. Après, les couleurs. Les gens qui ont des oiseaux chez eux. Ah oui, bah ça. Alors, mais ça, alors, mais Pierre Perret, il a trop en raison. En cage. Pierre Perret, il dit ça? Ah oui, il ouvrez, dit ouvrez la cage. La cage aux oiseaux. Bah pas oui, mais facile à dire, d'ailleurs. Chapeau non, Pierre Perret. C'est dur, hein. Parce que dire cage aux oiseaux. Ouais. Très dur déjà. Alors cage aux oiseaux. Non, c'était pas si dur. Cage aux oiseaux. Ouvrez la cage aux oiseaux. Ah ouais, putain. Non, cage aux oiseaux. Cage aux oiseaux. Tu t'es trompé? Non. Si. Si tu m'as il a fait exprès, mais il est tellement pince sans rire. D'ailleurs, pourquoi pince sans rire? Parce que ça fait parce pas qu'on te, rire personne. On te pince et ça ne fait pas rire. Bah ouais, mais ça fait rire personne. Donc tout le monde est un peu pince sans rire. Ouais, ça fait mal, c'est nul. Non, ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est, dans l'autre sens, en fait. C'est quelqu'un qui te, pince sans rire. Rire. Ouais, ouais, c'est ça. Et genre, tu dis, ah, ça fait mal. Et il fait, non, mais je riais. Et là, tu fais, ah, c'est du deuxième degré? Ouais. Ah, bah, voilà, j'ai plus mal alors. Ouais, et après, il part en courant comme dans ta BD. Bon, les oiseaux, on est tous d'accord. C'est... Ouais. Non, mais juste pour revenir là-dessus, tu pinces pas quelqu'un pour faire une blague, donc c'est nul. Alors, c'est... attends, Cyril Hanouna. Il te dirait. Il te dirait, mec, t'as rien compris. Un bon pincage de cul. Ouais. Je vais t'expliquer ce qu'est une darka. Les gens qui placent des mots en latin, non, in fine. Dans une phrase. Et etc. Quoi. Ouais. Non, etc. Album. Non. Ah, c'est latin, ça? Ah, bah, tous les mots en homme, UM, sont latins. Les minicum, par exemple. C'est latin. C'est marrant parce qu'il a vraiment précisé UM pour qu'on puisse pas faire de blagues et t'as quand même trouvé minicum. Je me suis dit, putain, le bâtard. Moi, ça m'énerve plus les gens qui finissent leurs phrases en anglais. Tu vois, qui disent. Anyway. Ouais, ou qui disent, putain, vraiment, là, ça commence à me casser les couilles. If you know what I mean. Bah oui, sûr, non, mais ça, c'est parce que t'as travaillé un peu dans la publicité. Non, c'est pour... non, mais tout le monde sur Twitter, tout le monde fait ça, quoi. Ah ouais c'est infect. Ouais. Non, mais on est d'accord. Mais c'est mais devenu accepté, alors que. Alors qu'avant, on se moquait de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Non, mais vraiment. mais ça, c'est comme les t-shirts à message dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu les années 80, début 90, où c'était ça cartonnait, genre, t'allais à Sceaux, t'achetais un t-shirt, je m'énerve pas, je m'exprime. On disait, putain, trop marrant. Après, c'est du jour au lendemain devenu le truc le plus beauf du monde. Et là, maintenant, c'est de nouveau toléré. Bah, c'est et la mode. Pareil ça pour les phrases, les bouts de phrases en anglais. C'était vraiment un truc dans les années 90. Mais ceci dit, à l'inverse, ça m'énerve vraiment. Quand les gens se moquent de quelqu'un qui dit bien les mots en anglais. Parce que je pense que c'est pour ça qu'on... Tu me dis ça. Parce que toi, tu présentes le vrai hip-hop, y compris Quinry. Non, mais parce que moi, je dis un sweat. Ah oui, voilà, au lieu de dire un sweat. Et on dit un sweat, ok, ouais. Ouais. Là, ton sweat, Adrien. Je fais oui, bah, c'est comme ça que ça se dit. Sauf que, tu vois, sauf que là, c'est quand, énervé très vite, c'est quand le gars met vraiment l'accent et tout, tu vois, parce qu'en fait, il parle réellement anglais. Oui, d'accord. Et je pense que c'est pour ça qu'en France, on parle très mal anglais. C'est parce que c'est interdit. Et d'ailleurs, c'est Sébastien Marx. Je ne sais pas s'il en parle sur scène ou s'il m'en a parlé dans la vie. Désolé. Dans son podcast. Dans son podcast. Avec ses potes comiques. Avec ses comiques. Avec ses potes, avec mes potes comiques. Et il me dit, en fait... T'as une imitation de Sébastien Marx. Putain, t'es le seul, Léopold. Il me dit vraiment, les Français, quand quelqu'un dit bien un mot, c'est-à-dire quand moi, je me dis, ah, il l'a pas mal dit. Tu vois, genre. Tout le monde se fout de la gueule. Tout le monde fait ah jusqu'à ce que le gars dise oui, tout bah, monde d'accord. Fait, ah ouais, le carré. Voilà. Et en fait, tu te forces à mal dire les mots en anglais, sinon on se fout de ta gueule. Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, putain, mais... Hey. Et dans mes recommandations, je rajoute, sur les épaules de Darwin, qui est un podcast... De Darwin, tu veux dire? Qui est un replay de France Inter, d'une émission de Jean-Claude Amezen. Si des gens ont du mal à s'endormir, c'est mon secret ultime pour m'endormir, c'est sur les épaules de Darwin, ce qui n'est pas une façon de l'insulter. C'est oui, qu'il non, a non, une c'est... voix très reposante. Non, sinon t'aurais dit sale fils de chien. Mais tu vois, ton podcast, tu te le fous. Normalement, c'est une insulte, tu vois. Tu dis, ouais, ouais. J'adore le podcast, je m'endors super bien quand je l'écoute, ça veut dire que je me suis fait chier. Alors non, que là, je ris plus... fort exprès toutes les 5 minutes voilà. Pour ouais. Que les gens ne s'endorment pas. Il raconte des trucs très intéressants, à la fois scientifiques, universels, enfin, des choses sur la vie, pourquoi en ce moment il y a un gros cycle sur le sommeil, d'ailleurs, donc ça marche encore mieux pour t'endormir. C'est méta. Mais c'est Inception ou quoi ? C'est méta ou quoi ? Ça devient méta. Et plus ça va, plus je le réécoute. C'est-à-dire qu'en fait, je reprends le podcast, je le mets. Ouais. Tu vois. Alors, si t'es sur iTunes Podcast, tu peux mettre la petite lune et tu dis s'arrêter à la fin de l'épisode. Comme ça, après, tu te réveilles pas au milieu de la nuit avec genre Adrien Méniel en train de gueuler parce que c'était la suite de ton podcast, c'était le podcast. Tu vois. Et après, je me dis mais à quel moment me suis-je endormi ? En général, j'essaye de retrouver le moment où j'ai décroché et c'est à peu près un quart d'heure. Et tu te souviens de ce qui t'explique ? Ou pas ? Est-ce que ça fait comme dans l'épisode du laboratoire de Dexter où il essaye d'apprendre le français en s'endormant et du coup le lendemain matin il arrive à dire ce qu'il a appris dans la nuit ? Alors, je me rappelle de ce qu'il explique parce que justement je le remets et en fait je me décale le moment où je m'endors jusqu'à avoir tout entendu. Ok, d'accord. Mais par exemple, en ce moment il y a un gros trip sur les drosophiles qui apparemment sont des mouches. D'accord. Et mon gars, je savais pas à quel point on en fait des expériences sur les drosophiles. Mais grave, j'ai un pote qui a tué dans mon lycée, il y avait. C'est pas drôle, hein. Moi je il a tué une meuf, donc c'était pas très marrant. Mais elle élevait des drosophiles, c'est ça le lien. Non, il y avait je crois que c'était des larves de drosophiles qui étaient dans un four spécial dans une salle de classe, qui étaient mis à une température vraiment pour qu'ils éclosent dans de bonnes conditions. Puis lui, excellent, il avait mis la température à fond et tous les drosophiles étaient morts, donc c'était un peu... C'est là que t'es devenu végétarien. Exactement. T'as dit plus jamais on fera de mal aux animaux. Ça fait 27 ans que je suis... Alors, les drosophiles à pas confondre avec les grosophiles, qui ça c'est plus des gens de forte copulence qui aiment bien coucher avec des animaux. C'est vrai. Bon, la pérave. La bonne pérave. Dans le micro, s'il te plaît. Ouais, y a pas de souci. Mais moi, tu vois, je peux pas japonais. Ah oui. Ou la variante, j'ai aquaponé. Ah oui. J'ai piscine. Tout autant désagréable. Qui les gens qui font la blague. Ouais. Non, bah oui, c'est le je peux pas, j'ai piscine. Je peux pas, j'ai poney. Mais ça marche avec les t-shirts, tout ça. Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Qui est également présent sur des t-shirts de Citadium. C'est très Citadium dans l'esprit. Mais je vais passer pour un mec qui déteste tout. Non, ça va. Enfin, on a quand même été d'accord sur chaque mot. On va rebondir à chaque fois. Non, moi, c'est les. Et à chaque fois, on arrive à lier à ces t-shirts un message de Citadium. D'ailleurs, on parlera peut-être des t-shirts Jacques Chirac à un moment que voilà, c'est trop cool, Jacques Chirac. Aussi, ouais. C'est vrai, faut arrêter. Il a vraiment volé de l'argent énormément. Homme plutôt raciste. Oui, voilà. C'est pas... vraiment, il est pas cool du tout. C'est vraiment pas un mec génial. Je sais pas sur les t-shirts quoi. Non, moi, dans une petite variante de ça. Enfin, c'est toutes les façons de genre comment dire hyperbolique de dire c'est bien. Tu vois, de dire genre c'est du génie. Ça rocks du poney. Ah oui. Ça poutre du truc et tout. Mais non, mais après, oui, j'aime pas dire ça parce que j'ai envie que les gens. Non, mais oui, ce sera le podcast des rageux. On peut se dire qu'on est entre rageux. Parce qu'à un moment, il faut quand même que tu arrives à lire au moins un article de Mademoiselle. Non, ça c'est. Parce que c'est vraiment que ça tout le temps. Salut toi, ça va ? Alors aujourd'hui, on va te présenter un truc qui rocks du poney et des licornes roses à travers les étoiles. Et moi, je suis là, putain, c'est dommage, ça va être intéressant d'un point de vue politique ce que vous étiez en train de dire. Ouais. Je suis sûr que le message va être très bien, mais malheureusement, pour l'instant, vous dites rocks du poney, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, par contre, c'est intéressant que tu dis ce que tu dis, Bruno, sur c'est du génie. Parce que par exemple, Adrien et moi, on n'est pas d'accord sur ce truc-là. Moi, je suis déjà dans une autre sphère où Adrien n'aime pas qu'on dise c'est du génie pour tout et n'importe quoi. Bah, ça galvaude le mot génie. Ça galvaude le mot génie. Et moi, j'ai tendance à dire. Calmos, c'est pas si grave, on peut aimer vraiment mais beaucoup. Va te faire foutre. Non, mais je suis peut-être tout seul. Ta gueule. Mais ouais. Moi, je te rejoins. On peut aimer beaucoup quelque chose et trouver. Pour moi, c'est comme dire c'est de la merde et les gens ils te disent dis pas c'est de la merde, dis que t'aimes pas. Moi, c'est dans le. C'est, bah, je suis assez d'accord aussi avec ça. Ouais. Oui, non, mais voilà, c'est une façon de voir. C'est-à-dire que pour moi, quand je dis c'est du génie. Moi, je dirais jamais à quelqu'un dis pas c'est de la merde, dis que t'aimes pas parce que c'est relou. Mais par contre, je dis pas c'est de la merde, je préfère dire. J'ai pas aimé. D'accord. Bah moi, j'essaie de faire gaffe parce que peu de gens sont dans mon cas, mais moi, je pars du principe où dès que je donne un avis sur quelque chose, évidemment, c'est que le mien. Et si je dis putain, c'est du génie, c'est vraiment pour moi. Ah, mais moi, c'est pas la forme de dire c'est du génie ou je pense que c'est du génie. C'est que au fond de toi, tu ne penses pas que c'est génial. Genre, c'est du génie. Bah, je sais pas. Moi, tu dis waouh, ça et E égale MC2, je trouve que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment, ça révolutionne le monde de la même manière parce que c'est après, trop fou. Moi, parce que le gars, il a trouvé vraiment un super moyen de dire. Que des fois dans la piscine, là, elle est un peu froide. C'est du génie. Ouais. Tu vois, non, c'est pas. Je sais pas. Moi, quand je dis que c'est du génie, enfin, on me dit parfois que c'est galvaudé. Mais pour moi, Dan Harmon, je trouve que c'est un génie. Et il y a plein de gens qui disent, c'est un très, très, très, très, très bon auteur. Non, mais après, c'est pas pareil. Mais tu vois ce que je veux dire. Ok. Moi, je suis à un niveau un peu en dessous. C'est juste quand je lis, genre, c'est du génie pour un truc où tu sens vraiment que la personne, c'est l'équivalent d'écrire MDR non. Et la personne, elle est pas morte de rire. Ah oui, non. Génie point, quoi. Génie point avec en dessous. D'ailleurs, j'ai créé le compte Twitter Génie. J'en ai rien fait, mais je possède l'identifiant. Ah, toi aussi, tu fais ça? Ouais. Moi, à chaque fois, j'ai des comptes comme ça qui servent à rien, mais un jour, j'en ferai un truc. Moi, j'en ai un et il y a un tweet dedans. C'était... Putain, je sais plus... Moi, j'en avais un qui s'appelait Barnum. Ouais. Et il faisait que des effets Barnum. Alors, qu'est-ce qu'un effet Barnum? Alors, l'effet Barnum, c'est genre, par exemple, l'horoscope. Ouais, oui, oui, ça y est, oui. Non, mais il fait des onomatopées. Non, je fais des liaisons, en fait, pour pas qu'il y ait de silence. J'étais en train de parler. Zéro silence. Oui, mais si tu fais des liaisons pendant que je parle, non, ça va bien. Vraiment, j'étais en train de dire, parce qu'en fait, c'est... Non, ça, c'est... J'ai mal géré. Sinon, on ne fait pas de liaison, hein. On verra, il mettra une petite musique. L'effet Barnum, c'est l'effet que... En gros, c'est, par exemple, dans les horoscopes de ton journal, de ton magazine télé. C'est tout le temps la même chose et on s'en bat les couilles. Mmh. Mais c'est des formes de textes qui sont écrits pour que la majorité des gens se reconnaissent dedans. Et en général, quand on essaye de prouver scientifiquement ce que les vrais scientifiques ne disent pas, que j'en sais rien, moi, la numérologie, c'est faux, l'astrologie, c'est faux. Les vrais scientifiques disent, on va essayer de le prouver alors. Donc, quand tu fais le test, en général, tu peux utiliser l'effet Barnum comme effet témoin parce que tu demandes aux gens, est-ce que vous êtes reconnus là-dedans ? Et 100% du temps pour l'instant, parce que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, par exemple, que l'astrologie, ça marche. Les gens ont le même taux de « ah bah ouais, c'est complètement moi » avec un astrologue qu'avec un texte écrit aléatoirement avec l'effet Barnum, où je vais te dire « eh bah écoute Flaubert, j'ai bien analysé les lignes de ta main et il se trouve que parfois tu te sens un peu seul, mais t'aimes quand même bien parfois être en présence d'un ami. » Non, c'est vrai que c'est des un peu des fois, t'as des choses à dire, t'oses pas les dire, ouais. Mais si ça va trop loin, tu te laisses pas faire. Voilà. Ah, mais, en gros, mais voilà. Mec, c'est ouf, par contre, parce que pour le coup, là, c'est vraiment moi. Voilà. Voilà. Et donc, j'avais fait un compte Twitter qui s'appelait Barnum et qui faisait que ça, en fait. Il disait, waouh, il disait un truc, il disait, ouais, c'est vraiment toi. Ah oui, d'accord. Sur les gens qui tweetaient, ah putain. Non, pas sur les gens qui tweetaient, juste, ils faisaient des tweets gratuits. Ah oui, d'accord, ok. Genre, attends, je vais essayer de retrouver. D'accord, ok. Mais moi, j'avais un compte Twitter, puisqu'on en est à. Attends, juste parce que moi, c'est vraiment lié à l'effet Barnum. Juste pour dire, ça s'appelle aussi l'effet Forer. Ouais. Et j'avais fait une planche dessus dans Axolot, la BD Axolot. Ah. J'avais fait une planche dessus parce que je faisais, j'illustrais, enfin je faisais une planche par phénomène psychologique en fait. Oui, c'est ça. C'est donc un des phénomènes, c'est l'effet Forer. C'était le tome 1 ou 2 dans lequel tu es toi? Le 1. D'accord, ok. Voilà. Non, parce que les fêtes approchent et donc n'hésitez pas. Donc voilà. Absolument. Flaubert, tu acceptes volontiers l'opinion de l'autre du moment qu'il la démontre comme il faut. C'est oui, tout toi, ça. Ah oui, tu finissais tout le temps par c'est tout toi. Tu as des points faibles, mais généralement, tu sais les compenser. Et ça fait toi quelqu'un d'unique. Oui, voilà, d'accord. Moi, j'aimais bien, évidemment, celui qui me faisait beaucoup rire, et ben, qu'on a co-animé avant qu'on arrête complètement de le faire, mais c'était le saviez. Non, le saviez-vous? Oui, bien sûr. Ah, le saviez-vous? Mais j'avais oublié, mais oui, on avait fait un peu ensemble. Le principe, c'était vraiment de... C'était de troller, en fait. C'était saviez-vous avec un R, à saviez. Ouais. C'était que des faits, mais c'est comme tous ces comptes Twitter surtout... de faits où ils disent, genre, il y a Uberfax ou des trucs comme ça, où vraiment, à chaque fois, ils disent des trucs... La tête qui est faite de 98% d'eau. Ouais, mais le compte de Coluche. Mais vraiment, des fois, c'est des trucs faux, quoi. Phrase de Coluche. C'est un très bon compte Twitter. L'idée, c'était qu'on mettait que des faits, mais vraiment... Non, mais surtout en trollant, le oui. Truc, c'était de dire, par voilà. Exemple, quand il a écrit Star Trek, George Lucas, et tu vois, il est vraiment... Sauf qu'après, vous êtes allé à un tel niveau où c'était un troll dans le troll. Moi, je me souviens d'un avec Timon et Pumba, qui était plus compréhensible. C'était bah oui, mais Timon en fait, ce et Pumba marrant avec sont Timon. Mais ce un était marrant phoque avec... et un génie dans le film. Non, parce il était une fois dans l'Ouest, quoi. C'était vraiment... C'était saviez-vous que Pumba des studios Pixar n'est pas un suricate, mais une mangouste, bande de mongols, parce qu'à chaque fois, en plus, le conte était arrogant. Il insultait à la fin. Et donc en gros, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des gens qui disaient mais Pumba, il est pas, tu vois, en fait, il corrigeait pas tout en fait. Oui, d'accord. Oui. Et les réponses les plus marrantes, c'était les gens qui disaient c'est gentil de nous apprendre des trucs, mais vous êtes pas obligé d'insulter les gens. Voilà, saviez-vous que Roméo et Juliette de Molière devaient parler de deux hommes amoureux, mais que Louis XVI l'a empêché. Bande d'homophobes. Non, mais bon, voilà. Donc et aussi, j'en avais un autre mais qui était trop bien. Et je l'ai vraiment juste... Tu tapettes. Ouais. Non, mais parce que justement, il n'était pas de tu moi. Tu l'as survendu un peu. Je voulais survendu, mais c'était phrases entendues dans les salles d'auteurs. Et du coup, c'était des phrases complètement hors contexte qui étaient entendues dans les salles d'auteurs. Et il y avait des trucs genre... Bien, ça, Bah ouais, mais j'ai arrêté de faire enfin, des c'est réunions. Un peu quote of the day, quoi. Ah, bah ça moi, c'est dans mes trucs de connard, ça, les quote of the day. Jamais drôle. Ouais, bah du coup, j'allais sur faire Twitter, un truc jamais drôle. Non. Je trouve qu'à chaque fois, les gens disent mettre une phrase en mettant quote of the day, nanana. Moi, c'était drôle, mais sûrement, ça existe mais... plus trop, ça. Je le vois plus trop. Si, il y a hashtag entendu au bureau et c'est infernal, quoi. Enfin, ah ouais ah oui. Non, mais putain, moi, je comprends parce que pour moi, faut pas oublier qu'à la base, Twitter, c'était un réseau social entre gens qui se connaissent. Ouais. Et donc, t'es au bureau, t'entends un truc que machin a dit, tu le tweets en disant ça c'est vraiment trop marrant, tu rigoles dans le bureau, le lendemain il y a machin qui dit mais qui c'est qui a dit ça hier ? Tu fais, t'es pas au courant, c'est Martin, il a dit ça. C'est juste que nous on juge ça comme si c'était des œuvres. Non, non, mais moi c'est. Je pense que souvent que... les quote of the day c'est vraiment pour des groupes de potes en général quand tu regardes le gars. Et puis maintenant Twitter. Bah moi souvent quand je regarde c'est quelqu'un qui a 100 abonnés quoi. C'est pas genre jamais vu Cyprien faire un quote of the day, tu vois. Bah non, mais non, bien sûr. Mais il y a un compte que je déteste, moi, c'est le compte de Loïc Prigent. Tu cites directement un mec. Ouais, ouais. Bah pourquoi pas. Moi, je connais pas le compte de Loïc Prigent. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un mec de la mode qui fait des tweets. Ah oui, si, je vois qui c'est. Et il quote des trucs qu'il entend, mais c'est évident qu'il les a pas entendus, sinon sa vie est géniale. Ah bah c'est comme Alexandre Jardin, quoi. Ouais, le gros mytho de Twitter. Voilà, mais c'est un peu. Et super genre, moment. Tous les jours, il a deux, trois anecdotes. Et c'est sûr que c'est pas vrai. Enfin, sinon, moi, si j'en Mais surtout, lui, ça a été très loin parce qu'ils vend des bouquins sur les phrases. Et même, il a fait un programme court pour Arte où c'est Catherine Deneuve qui les lit, je crois, ou un truc comme ça. Et ouais, alors, juste une question. Ah, c'est le gars qui avait fait l'opération avec. Non, je le follow pas. Avec BHV. Je l'ai bloqué même. D'accord. C'est infernal. Ça se voit que c'est fake. Quoi, ça m'énerve. Entendu au BHV, un truc comme ça. Au Bon Marché. Au Bon Marché, voilà. Je crois que c'était lui aussi. Ouais, je crois que c'était lui. Ah ouais. Bah, ouais, bah c'est comme le site Shit My Dad Says. Mais ça, c'est marrant parce que c'était vraiment un gars qui avait fait un compte pour son père. Mais c'était faux. C'était. What? Oh ouais, c'était. Mais non. Si, le mec avait admis que c'était. Bah, tu sais quoi, je m'en vais. Après, ils en ont fait une série télé après. Oui, mais avec Danny DeVito. Mais sauf que je croyais que c'était vrai. Non, je crois que le mec avait. Mais au bout d'un moment, tu vois que c'est écrit en fait, moi je trouve. C'est très bien que ce soit l'épisode des rageux parce que moi, il y a un truc. Alors, moi, je suis pas trop un rageux en vrai. Mais non, mais, non, c'est mais pas... on rebondit. C'est pas non, grave. Non, mais j'ai besoin de le sortir parce que j'ai écrit 5 tweets et puis après je l'ai effacé en disant on s'en fout de dire les trucs. Mais là, bon, c'est. Disons que c'est le thème, vas-y. Parce que il y a vraiment. Il y a quelques années. Bruno sera notre caution, genre bon, les gars, doucement. Voilà. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que voilà, moi je suis dans un métier où en vérité j'ai que des rageux autour de moi. Je passe mon temps à les tempérer. je les tempère en disant mais non, les gars. T'es bien dans ta peau, Bruno. Tu parles que les gens sont bons et tout. T'as pas besoin de rager. Moi, c'est la merde. Laisse-moi. Non, mais en vrai. En plus, je non mais c'est de la rage, c'est de la rage bon enfant, c'est pas non plus. Enfin, ça l'était. Non, attends, c'est dedans, là. je vais en pas fait, dire. Moi, j'essaie de tempérer parce que je sais qui va parler des migrants. C'est pour ça. Que quand il commence comme ça, je sais où il va. On va parler des trucs qu'on aime bien. Okay. Soral. Il a dit. Non. Agnès en plus, Soral. Ouais. Elle est charmée. Dans Chau Pantin. Super. Putain, c'était quoi cette série avec. Ah oui, avec le canapé. Bah, avec le gars qui joue dans Bref. Bah, exactement. C'est moi, c'est un. Bandapa. Non. C'est un podcast ou c'est une conversation entre nous et on. Bah, c'est un podcast. Ok, c'est ça. C'est ça. Parce que vraiment, je l'écouterai pas celui-là et pourtant, je suis dedans. Non. En fait, le truc, c'est. Alors, je vais pas rager, mais je vais faire une petite observation où là, quand même, j'appuie là où ça fait mal. Il y a quelques années, on disait, on était sur Twitter, Twitter c'était un peu l'élite qui regardait de haut. On Facebook. Était sur Twitter, moi j'y suis allé très tard, donc déjà tu me vires de ton petit club privé là. Il parle de son club à lui. Plusieurs années que tu es sur Twitter. On se moquait de Facebook, voilà, qui avait des infos bien non, en retard. Et puis c'était, tu vas faire des tests sur Facebook, machin. On disait que c'était un peu un réseau social de blaireaux à faire des tests, à poster des trucs à la con et tout. Maintenant, un tweet sur deux, c'est « Cite ce tweet avec tes trois aliments préférés et tout le monde le fait. Hey, » Et c'est j'en ai fait infernal. Mais c'est incroyable. Le nombre de retweets ? Mais oui, je crois que j'ai eu genre 2000. Avec moi, ce qu'il y avait sur ta les pitas, redis-le peut-être. C'est genre sur ta tombe, au lieu d'être inscrit les grands événements de ta vie. Attends, tu peux dire lequel c'est, Bruno ? Sur ta tombe, au lieu d'être inscrit les grands événements de ta vie, il y a un petit truc qui t'est arrivé 1000 fois. Ouais. Une phrase que t'as... Ouais, un petit truc que t'as fait. Un truc qui t'est arrivé 1000 fois dans la vie. Mais genre pendant 4 jours, à chaque fois que j'allumais mon client Twitter, je voyais 150 nouvelles mentions. Le buzz. Ouais. Non, mais vraiment, le buzz, hein. Et pour une fois, c'était pas pour dire que t'étais homophobe, raciste ou sexiste. C'est la première fois que j'ai eu autant de mentions. Le premier bon buzz de ta vie. C'est un bon buzz. J'ai changé, les gars. Ça fait 30 ans que j'ai pas eu de mauvais buzz. Non, ça t'a fait du bien. Et là, j'ai eu un très bon buzz. Non, mais vraiment, la personne qui arrive à développer l'algorithme, qui me masque ses tweets, je suis. Mais attends, ravi, moi, j'ai envie de participer un peu. Non, mais moi, je l'ai fait. Moi, j'ai zéro mot masqué. Mais juste, je choisis bien les gens que je suis. Non, mais tout le monde le fait. Non, non. À la manière de Philly Winter. Moi, tous les problèmes dont on me parle sur Twitter, pour de vrai, c'est pas qu'on l'a raconté. La preuve, tu t'en as fait J'en ai fait un pour rigoler. Sophie Marie l'a fait, tout le monde l'a fait. Si. Non, elle a répondu au mien. Tout le monde. Non, bah, il y a des. Sophie Winter. Moi, vraiment. Je dis pas que c'est un truc de connard. Moi, j'ai 100 abonnés. Peut-être que t'as trop d'abonnés. Moi, j'ai 100 abonnés. Et vraiment, ils sont impeccables. Il y a toi, il y a Flaubert. Non, mais vraiment. Il n'y a pas Léopold. Mais c'est parce que je le connais pas. Oui, non, oui, bien sûr, il le fait pas en plus. Donc non, mais moi, il y a des gens que j'aime beaucoup. Et qui... Il n'y a pas Village Webs, par exemple. De temps en temps, vont faire ce... Mais même... Mais moi, des fois, j'ai envie de participer, par exemple. Je le fais pas parce que je suis un peu comme toi. En fait, moi, j'ai l'impression que je dois quelque chose à mes followers alors qu'il faudrait que je m'en batte les couilles. Mais pour moi, là, il y avait un truc genre... Si pour moi, on a le fil qu'on mérite. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les gens se plaignent... Mais non, sur Instagram, il y a trop ça. C'est trop binaire comme façon de voir les choses. Les gens, ils peuvent être super et avoir... Moi, par exemple, il y a trop de gens qui font leur promo. Mais je décide que, ok... j'en garde un peu parce que c'est des copains, ouais, mais je sais que c'est de ma faute. Je pourrais arrêter de le suivre et j'arrêterai de voir tous les jours que le mec joue dans une semaine à la table de la Porte Queen. C'est pas soit t'acceptes, enfin tu rayes si quelqu'un de ta vie parce que tu fais un truc. Tu rayes pas de ta vie. Non, mais tu l'assassines. Attends, si possible. Je pense que t'as un rapport à Twitter qui est un peu problématique. Non, c'est que c'est pas ma vie Twitter. Non, mais dans le microcosme qu'est Twitter, c'est comme le. Ah non, moi je vire. Moi je vire. Si quelqu'un retweet les compliments, je vire. Bah, moi, tu peux couper les retweets déjà, s'il fait ça. Ouais. Non, moi, je le vire. Au final, t'es plus. C'est du cas par cas. On est et de temps en temps, je le remets. Et de temps en temps, je le remets. Oui, mais c'est du cas par cas. Tu peux pas dire, si quelqu'un fait ça, ah, je le vire. Cas par cas, une très bonne marque. En fait, tout d'un coup, le gars sort un film et je dis, ah merde, allez, c'est parti. Il retweet tous les compliments sur son film. Je comprends. Il a besoin de faire des entrées. C'est sa manière de gérer. Désabonné. Non, mais ça, c'est une connerie de retweeter les. Oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas. Non, mais c'est tous les. Par exemple, tu vois que tous les distributeurs de cinéma le font. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc de publicité qui doit marcher. Que nous, qui nous dépasse. Sauf que moi, j'arrête de le suivre, j'attends un mois. Son film est sorti, il s'est planté, et après, je peux remettre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Là où je dis, tu peux pas, genre, virer les gens qui font ça, c'est juste que chaque personne le fait une fois de temps en temps, mais. Tout le monde le fait une fois de temps en temps, ce qui fait qu'au final, toi, t'en vois plein, ce genre de trucs, de sites, machin, etc. Chaque personne le fait une fois de temps en temps, sauf que comme c'est plein de gens qui le font... Je pense que t'as une petite résistance à ça, parce que moi, ça me tue pas, quoi. Genre, c'est pas très grave. Mais toi, tu suis les gens qui répondent que à ça en blague. T'es tendu en ce moment, Adrien, c'est pas bien. Oui, non, non, mais... Je vais te masser, Adrien. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui se passe? T'as mal au cou? Adrien va faire de la ASMR. Arrêtez, écoutez. En plus, je suis plein de nuances et tout. Je dis que les gens ne sont pas. Je ne blâme pas les gens. Non, mais moi, j'aimerais vraiment dire ça. C'est qu'en plus, des fois, j'ai envie de participer. Mais moi, j'ai l'impression que je dois quelque chose à mes followers et que je ne vais pas les faire chier avec ça. Mais moi, récemment, j'en ai vu un qui est en gros. Plus, je l'ai déjà fait. Oui, chaque première lettre. Va te faire. Bah alors. En plus, le gars le fait. Bah arrête de te suivre. Ça s'appelle la vie. Chaque première lettre de ton nom de famille est un film que tu kiffes. Bah, je l'ai fait pour moi. Vraiment tout seul, sur mon petit téléphone. J'ai fait alors, quels sont les films qui. Ah oui, moi aussi, mais je le partage pas. Non, je l'ai pas partagé, mais du coup, je l'ai fait pour moi quand même. Je trouvais le jeu rigolo. Je donne une astuce quand même. Si vous utilisez. Si vous utilisez. Il n'y a plus que des onomatopées. Si vous utilisez Tweetbot sur iOS. Qui devient un peu relou, parce que t'as plus les sondages, t'as plus rien. C'est un peu chiant, c'est un peu relou là. Parce que moi, c'est ce que j'ai. Et vraiment, de temps en temps, je vois un tweet, il y a écrit « Alors, à votre avis ?» Puis rien d'autre. Et je fais ça. Mais encore là, ça doit être un sondage. Mais encore là, ouais. Là, tu peux deviner que c'est un sondage. Des fois, vraiment, c'est genre... Des fois, je réponds. Et là, il y en a marre, il va falloir mettre les choses au clair. Donc, tu fais « Ah, oh, putain, il s'apprête à dire des trucs. » En fait, c'est un sondage. Et non, pour dire, moi, dans Tweetbot, j'ai mis dans les mots masqués, j'ai mis « cite ce tweet » et « citer ce tweet ». Déjà, ça me masque déjà pas mal de trucs. Mais ça marque que dans Tweetbot. Parce que j'ai essayé de le faire dans l'appli Twitter et tout ce que ça fait, c'est que tu vois la réponse, mais le tweet qui est cité n'apparaît pas en fait. Enfin, c'est marqué ce tweet est indisponible, donc c'est nul. Okay. Alors que Tweetbot, il vire tout quoi. Bam. Directement. Petit tip que je vous transmets. Passe-partout. C'est pas tout de râler, mais il faut apporter des solutions et voilà ce que je fais. Bien joué. Léo, as-tu d'autres choses que tu hais? Bien sûr, j'en ai. Passe-partout. Parce qu'il est pas grand. Il est type. Ah oui, un petit type. D'accord, oui, bravo. C'est un petit type. Exact. Alors, les gens qui préfèrent l'hiver à l'été. Il n'existe pas. Mais si. Les ours polaires, peut-être. Non, alors, beaucoup. Des gens préfèrent l'hiver à l'été. Non, il y a des gens qui détestent l'été parce qu'ils transpirent et parce que... Non, mais pas pour autant qu'ils aiment l'hiver. C'est vrai que c'est super chiant. Moi, j'aime bien l'hiver, franchement. Mais tu préfères l'hiver à l'été. Je dirais pas que je préfère. Ils font leur intéressant, mais... c'est pas possible. Moi, je déguste un peu ton seum que j'aime bien. Non, mais il y a un peu un truc de faire son intéressant, de dire ça. Non, ouais, et vous savez qu'il y a des gens qui font des raclettes en été, vous saviez ça? Ça, c'est un truc de ouf. Pourquoi c'est un truc de ouf? Moi, j'aime bien. C'est des tweets qui sont beaucoup vus en ce moment. C'est juste pour dire que... Moi, je suis le relou qui fait juste, je comprends pas. Non, parce que c'est juste pour dire que les gens en été disent « je suis dégingo, mais je fais une raclette en été ». Donc tu fais ok cool, et après l'hiver arrive et disent oh yeah c'est la ouais, saison de raclette. Je peux encore faire des raclettes, mais tu parles de raclette toute ta vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de blagues de raclette. Enfin, les CM en ce moment, c'est la fête. Ouais, ouais. Il y en a marre des raclettes là. Ouais, ça y est. D'ailleurs, c'est la fin. Petite, allez, je balance. Balanceman, cadenceman. Non, mais la chanson L'hymne de l'hiver de McFly et Carlito, qui s'appelle L'hymne de l'hiver, ouais, a été renommée L'hymne de la raclette. Ah, ils ont renommé, ils ont changé le titre. Bah oui, mais bon, elle avait pas. Je sais qu'ils étaient déçus, ils trouvaient qu'ils avaient pas, qu'elle avait pas fait assez de vues. Elle a même pas fait le million, j'étais hyper surpris. Ouais, je pense alors qu'elle est marrante en plus, moi j'aime bien. Ouais, et surtout, après, elle est moins marrante que la vidéo que m'avait envoyée en privé McFly, qui était de la raclette que Carlito avait mis dans son prépuce et qui pendait directement de sa bite. Est-ce qu'il est OK pour qu'on dise. Bon, alors là, j'ai aucun problème. Bon, il a dit vraiment même, pire. Je vais même vous le montrer, attendez, bougez pas. En attendant, moi je tiens à dire quelque chose, je pense, qui est vraiment philosophique. C'est que, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais jeune, je disais, ah bah quand je serai grand, eh ben, je ferai ce que je veux. Genre, par exemple, je disais, je peux manger qu'un dessert. On me disait, non. Tu feras ça quand tu seras grand. Et dans ma tête, je dis, là, quand je serai grand, je ferai ce que je veux. Je pense que beaucoup de gens étaient comme ça. Et que le jour où ils sont grands, ils se disent, bah non, on peut pas manger une raclette parce qu'on est en mai. C'est le truc le plus triste qui existe au monde. Parce que tu dis, mais mon gars, t'es adulte. Ah ouais. Qui va te. On mange jamais de bonbons avant de manger maintenant. Qui va te dire quoi? Même à notre âge. Mais tu vois, qui va te dire quoi? Genre, c'est en mai, tu vas prendre du fromage à raclette, ton putain de truc à raclette, tu te fais une raclette, tu kiffes parce que t'es un adulte, mon gars, fais ce que tu veux. Ah ouais, mais moi je suis mais j'en parlais d'ailleurs dans un floodcast précédent qui si celui-là il a été diffusé. C'est même pas une vanne, mais non, mais c'est de dire vraiment je savoure moi à chaque fois que je joue ma carte vie d'adulte, quoi. Ah bah oui, tu vois, en gros je disais ça, je redis maintenant un truc que j'ai dit dans un autre floodcast. Bah, t'inquiète, non, mais en gros le truc c'est tourne en rond, il va falloir te remplacer loin de chez toi et tu te fais chier. Tu peux rentrer. Alors que quand j'étais jeune, c'était vraiment... Ah bah oui. Bah, tu restes, ah oui, je me souviens quand tu disais attends ça. Le... Bah, je suis d'accord avec toi. Et vraiment, moi, je savoure. Yo, on est avec Carlito en train de se faire une petite raclette au calme. Vous nous manquez. Oh, putain. Oh, putain. Voilà, oh là bon, là. Écoutez. Alors, je tiens à dire, et j'essaie de le dire dans ce podcast, comme ça sera gravé dans la roche, que j'ai trouvé... Family. Non, Sniper, pardon. Sniper. Tu représentes le vrai hip-hop, mais un peu... Je me suis rattrapé. Je t'ai rattrapé, mais bon, c'était un peu triste. Je tiens à dire que je considère, mais ce n'est que mon avis, que j'ai trouvé le meilleur mot pour ce que les gens appellent le fromage de bite. Tu sais, ces petits trucs blancs. Le smegma, tu veux dire c'est le terme, le terme scientifique. L'espèce de faisselle qu'on a autour de la bite. Autour de la bite. Qu'on a actuellement. Qu'on a actuellement autour de la bite. Ouais, ouais. Perso, j'en ai, qui en veut. Est-ce que t'as du pain? Donc, le mot que je propose, comme ça, si un jour il se répand dans le monde, on saura que c'était moi parce que je l'ai dit dans le floodcast. Si Flaubert le diffuse parce qu'il ne l'a pas raté, ce floodcast. Ce qui est vraiment arrivé à tout moment. Le spermezan. Ah, pas mal. Mais tu m'en avais déjà parlé, je crois. C'est fort possible, j'en parle tous les jours. C'est oui. Non, mais je crois qu'on a failli le foutre dans Bloqué dans la rue, ou un truc comme ça. Dans la rue, des fois, j'arrête des gens, je fais excusez-moi. Le spermezan, c'est pas mal quand même comme nom pour le fromage de bite. Le café, c'est dégueulasse, mais j'avoue que. Et un jour, un jour, tu vas tomber sur vraiment un gars qui choisit les mots des maladies et des trucs comme ça. Il va faire écoutez, bah bonjour, je m'appelle Francis, je suis d'accord avec vous. Et du coup, tu vas te faire des milliards d'euros. Exactement. C'est mon plan. C'est mon plan sur 8 ans. Du coup, tu marches beaucoup dans la rue pour essayer de tomber sur ce gars-là. Je cherche les gens en blouse blanche. Léopold, as-tu d'autres choses que tu détestes? J'en ai des tonnes. Les joggeurs qui continuent de courir, qui font du surplace à un feu rouge. Ah oui. Il y a l'humoriste, enfin le stand-upper Todd Glass qui parle de ça. Ah ok, d'accord. Bon. Mais non, mais c'est pour dire. Ça doit pas être le seul. Non, mais j'ai plagié. Voilà. Ouais. Mais surtout, c'est que pour moi, quand le jogger il est à un feu rouge, il a déjà raté un peu le principe parce que ça veut dire qu'il est dans les pots d'échappement au moment où il est à un feu rouge. Oui, c'est un peu vrai. Après, peut-être dans les petits. Enfin, nous à Paris, mais dans les petites villes, c'est un peu moins bourrin quand même. T'as des fois, tu sais, dans les quartiers. Je pense qu'il parlait de Paris, là. Oui, bien sûr. Bah oui. Dans les petites villes, ils courent dans la forêt. Bah non, parce que moi, par exemple, dans ma petite ville d'où je viens, il y a des quartiers résidentiels. Résidentiels. Enfin, tu vois, c'est des endroits. Il y a des feux rouges. Ouais, il y a des feux rouges. Ouais, mais avec des voitures qui passent. Il y en a très peu, mais bah il y a voilà. Oui, c'est vrai que t'es pas obligé de faire du surplace pendant 2 heures. Moi, je respecte vraiment la sécurité routière. Après, c'est moi. Si le petit bonhomme est rouge, je ne traverse pas. Mais d'accord. Non, mais c'est pour, je sais pas, c'est pour regarder la show, quoi. Oui, pour rester dedans. Je sais pas. Oui, mais on n'est pas au pied de la lettre. Voilà, c'est juste. Oui, bon, bah, va te faire foutre. Ouais, écoute, nous, on est là pour juger toutes les phrases que tu vas dire. On a été vraiment plutôt d'accord. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est cool. quand tu cours dans la rue et que quelqu'un crie au loin, cours Forest, cours. Ah oui, ça arrive très souvent et c'est vraiment la blague la plus nulle du monde. Puis elle est vieille de ouf. Ok, moi j'ai une anecdote, ça vient de me faire penser à une anecdote, et vu que le principe de Floodcast c'est les anecdotes, est-ce que même si le thème c'était pas les vents, je peux raconter un vent que je me suis pris? Je t'en supplie. Ok, jadis j'étais jeune, ouais. J'avais peut-être 16-17 ans, et je vivais en banlieue, voilà, pour vous situer. Astin. Astin dans le 93, et alors je sais pas comment... Alexandre Astin. Comment ça s'est... pas terrible. Ouais, pas terrible. Je ça sais pas vraiment. Le coup de te couper c'est la parole. Un beau roman. Si, ça valait le coup, parce que comme ça, ta médiocrité va me mettre, va mettre mon histoire en avant. Un marche-pied. Voilà. Merci, grandeur. C'est un beau sacrifice que t'as fait, je trouve. C'était de bodyguard, quoi. T'as sauté comme ça et t'es pris la balle. C'est vrai. Allez. Je sais pas qui avait répandu cette loi, hein, générale dans les banlieues parisiennes, qui sont qu'il faut aller draguer sur les Champs-Élysées. Ouais. Voilà. Donc, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais dans vraiment tout le monde le sait, il faut aller draguer aux Champs-Élysées. En tout cas, à l'époque. Ok. Tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde, c'est ça? Je l'ai fait depuis une heure maintenant. Oui, je l'ai entendu. Ouais. J'ai entendu plusieurs fois. Je me suis dit, je vais la valider comme un enfant. J'avais l'impression que tu étais un enfant au d'un arbre qui disait okay. Papa, tu me vois, papa, mais regarde, je suis en haut de l'arbre. Et au bout de 20 fois, à l'apéro, je fais oui, je t'ai vu. C'est bien, mon petit Flo. Voilà. C'était un cadeau pour les auditeurs les plus. Bon, les plus perspicaces. Et les plus vieux aussi. Excuse-moi. Et donc, on se retrouve avec mes potes. Donc, il faut m'imaginer avec mon appareil dentaire, mes lunettes, mes boutons, mes potes flingués, hein, qui sont déjà à l'époque Kairon et compagnie, sur les Champs-Élysées. Parce que, bien entendu, c'est sûr que c'est là-bas qu'un enfant de 16-17 ans peut pécho des meufs, qui décide de draguer. Et donc, draguer était clairement le mot qu'on utilisait à l'époque pour le harcèlement de rue. Ouais. Hein. Puisque c'est quand même encore maintenant d'ailleurs. On l'utilise encore maintenant, mais plus moi. Ouais. Bah, à l'époque, on m'avait dit, mais il n'y a que cette option. Il n'y a pas d'autre façon d'aborder une femme. Donc, il fallait prendre son courage à deux mains. T'es avec tes copains qui te regardent et qui sont à la fois admiratifs si tu vas, mais toujours prêts à se foutre de ta gueule si ça va pas. Ouais. Et là, je décide de parler à une meuf, sachant que c'est le pire choix possible que je pouvais faire, puisque c'était une meuf en train de courir. Je me mets à son niveau. Et c'était Catherine Deneuve. Non, c'était pas Catherine. Non. Je me mets à son niveau et je lui dis, est-ce que je peux courir avec toi? Quel enfer. C'est à quoi elle répond. Elle s'arrête et elle me dit, vas-y, cours tout seul. Oh, ok. Très bon. On dirait le sketch de Bérangère Krief, quoi répondre aux gens qui sont relous dans la rue. Et là, c'est vraiment paralysé par la vie. Oh putain, tous tes potes ont eu tellement quand de ta gueule. Quand la meuf s'arrête, c'est-à-dire qu'elle avait une ambition, c'était courir, elle avait une raison de le faire. Elle a dit non, ça vaut le coup, je vais m'arrêter pour lui dire cours tout seul. Ouais. Ouais. Mais c'est une bonne répartie, tes potes se sont foutus de ta gueule, rassure-moi. Bien entendu. Ouais. Moi-même, je me fous de ma gueule actuellement. Et tu te dis, cette meuf a un feu rouge, elle aurait couru sur place, mais pour te mettre un vent, elle a vraiment dit j'arrête de courir, vraiment ça. Exactement. Très très belle histoire. Très belle, très, très beau. Un petit dernier, bravo, non bravo à cette femme. Oh bah de toute façon, on a encore deux heures. Hein, Non, c'est bon là. On est pas mal dans les timings. On est là, mais pas mal. On va faire durer. Moi, j'aimerais qu'il dure 6 heures. Après, c'est vrai qu'il y aura un peu de montage, mais est-ce en que vrai, c'est possible qu'il dure 6 heures? Non, c'est pas possible. S'il te plaît. Bah non, j'essaie d'en faire un par semaine. Si dès l'épisode 2, il y a 6 heures. Bah c'est pas grave, ça change rien. Il y a du montage. Il y a du montage. Justement, alors arrête maintenant. On fait un épisode 2. Dis à tout de suite pour l'épisode 2. Vas-y, arrête. Moi, je faisais ça. Moi, je veux pas. Moi, pour qu'on ait un par semaine, à l'époque où je faisais du podcast, bah, quand vous arriviez, je disais, bon, les gars, on va enregistrer 4-5 heures et ça fera 4 épisodes. Ouais, mais moi, après, je suis fatigué. Je suis une vieille personne. Bah, casse-toi. De toute façon, tu sers à rien depuis tout à l'heure dans l'émission. On va le faire tous les trois. Wow. C'est Léopold qui anime le truc avec ses trucs de connard. Il nous fait bondir. Bruno, pardon, tu viens insultant avec tout le monde. Lui, il fait ses trucs de connard. Non, moi, lui, je fait les trucs de connard. C'est le nom de sa liste. Moi, je suis inintéressant. J'ai pas dit qu'il était plus pour moi, en tout cas. Bah, ouais, mais t'es con alors, mon pauvre. Bah, là, par contre, t'es con. Non, ça, c'était sa liste. Non, c'était. Putain, je comprends rien. Léopold, peux-tu enchaîner? Eh ben, les gars en costume qui sortent du travail avec un Segway, une roue. Il est très précis. Les monocycles. Le Segway. Les monocycles. Je sais pas comment ça s'appelle. Les wheels. Ouais, les one wheel. Voilà. Ouais. Mais moi, il y a quand même un petit respect de. Ça a l'air dur quand même. Enfin, moi, je me casserais la gueule. Donc, il y a un petit côté. Bah, essayer. Moi, c'est là chaud. Où je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Non, parce que ces gars-là, tu sens que dans leur tête, ils se disent putain, je suis dans le futur. Ouais, mais moi, dans le futur. Mais moi, ouais, moi, je me dis, il est dans le futur, c'est chambé. Moi, je me dis ça. Ok. Voilà. Ouais, moi, j'accepte. Je pense que l'ensemble des vêtements et des produits technologiques que tu as sur toi actuellement, il y a quelqu'un qui les a mis en premier et tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tes lunettes de merde là. Ouais. Binocle. Je veux dire que ils ont créé les lunettes. De voir clair. Que ils ont créé les lunettes. Le premier qui a mis des lunettes, ça a dû bien se foutre de sa gueule. C'est vrai. Je pense pas qu'en 20 ans, il aura tout ça. C'est posé sur ton nez. T'as des ronds sur le nez. Accroché à tes oreilles, connard. On aura pas de ségouine dans 20 ans. Tu peux pas plisser des yeux comme tout le monde. Toute la journée faire ça, froncer les sourcils. Tu peux pas juste mourir en te cognant contre un rocher comme tous les gens qui savent pas voir. Voilà. Alors. Quand tu manges et que quelqu'un te dit passe-moi un croc, est-ce que je peux avoir un croc? Là, c'est vraiment très précis. Là, c'est juste, ça t'est arrivé le jour où t'avais faim. Les mecs déguisés en festival. Alors, attends. Le mec se déguise en festival. Il y a des mecs qui se déguisent en festival. Ouais, les Pikachu, tout comme non, ça. Ils se déguisent dans un festival. Ah, okay. Ah, toi, parce que moi, je faisais la blague. Moi, je croyais qu'ils étaient déguisés. Je suis déguisé en du fou, quoi. Je suis déguisé en rock en scène, je suis un agonome. Bah, c'est un bon concept, déguise-toi. Attends, tu veux dire le cosplay? Non, dans les concerts, dans les festivals. Oui, de mais par exemple, à Rock en Seine, des gens qui sont déguisés en Pikachu. Pas, voilà, exactement. Ouais. Au Hellfest. C'est les cosplays. Non. C'est pas vraiment ça, parce que les cosplays, il y a une volonté de ressembler à quelqu'un. Là, c'est juste, on se met des costumes et on fait n'importe quoi. Puis il y en a qui ont des costumes uniformes en couleur. Oui, c'est ça, les Kigurumi, là, les espèces de pyjamas. Moi, j'en possède dedans. Malheureusement. Mais tu le mets chez toi, tu ne le mets pas devant. Il est dans ma cave. Malheureusement, Léopold, plus le podcast avance, plus les gens ne sont pas d'accord avec toi. Moins les gens sont d'accord avec toi. C'est très clivant. Là, il va dire le FN, nul. Vous êtes d'accord avec moi, là, oui. On est d'accord. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Bien sûr, tu as une énorme liste. Oui, elle est gigantesque. Quand tu appelles quelqu'un, que la personne ne répond pas et qu'elle t'envoie un message 5 minutes après en disant que tu m'as appelé. Ah oui. Ça m'arrive. Bah, ça m'arrive tout le temps. Ouais, moi je fais beaucoup ça. Mais la réponse, c'est oui, connard, je t'ai appelé. Non, mais c'est pour c'est dire. C'est écrit sur le portable. C'est pour dire, dis ce que t'as à dire, connard, j'ai pas envie de te parler. Oui, mais dis-le clairement, dis-moi ce que t'as à me dire. Oui, mais dans des relations de travail, par exemple, ou avec des employeurs, c'est plus compliqué. moi, c'est une question rhétorique. Souvent, j'ai des. Enfin, souvent. Non, mais ça m'arrive que des gens m'appellent. J'ai compris, c'est pas l'acte, c'est le fait de dire tu m'as appelé plutôt que. Désolé, je peux pas te répondre. Pourquoi tu m'as appelé ou qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, d'accord. C'est ça, en fait. Ok, tu laisses à l'autre l'initiative d'expliquer vraiment la situation. C'est un peu comme, je crois que c'était Adrien qui me l'avait dit, les gens qui commencent leur demande par merci d'eux. Ah ça je peux me battre, moi. Merci de changer l'icône de l'envoi gauche. Merci, c'est quand la personne a fait le truc et tu la remercies. Là, c'est genre, la personne tu vas le faire. En gros, c'est d'entrée de jeu, ça veut dire, tu vas le faire, donc merci. Je te dis merci parce que tu vas le faire. Et j'attendais depuis le début de ta liste que tu le fasses en disant, bah tu vois, moi, c'est ça le truc de connard, je trouve. C'est les gens qui finissent en critiquant quelque chose en disant, on en parle ou pas? Ah ouais. Tu vois, si t'avais fait ça, la moitié des stand-upers français. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc où je fais genre. Ou comment ça se passe? Il y a ça aussi. Ouais, non, alors, moi, un truc. Et aussi, chez stand-upers, il y a, c'est quoi votre problème? Ah oui, c'est vrai. Tu vois, genre, les meufs, c'est mais quoi dans ce votre début, c'est quoi votre problème début, avec les films d'horreur? Tu dois dire, Bruno, au début, tu dois dire, alors, je vous aime bien, les meufs, je vous aime bien, mais franchement. C'est quoi votre problème avec les films d'horreur? C'est pas mal, là, c'est bien. Ouais, pas mal. Non, moi, dans les petites habitudes de téléphone et tout, les gens qui, quand tu leur envoies un texto, t'appellent pour répondre. Je peux gerber, moi. C'est mon cauchemar. Je dégueule. Je déteste téléphoner. Les gens qui ne répondent pas avec le même moyen de communication que celui avec lequel tu as engagé le rapport, je chie dans mon froc. Et d'ailleurs, Bruno, tu as mis des mots sur un truc qui me tracassait depuis le début et je propage ta belle parole. La auprès chaude de pisse. Non, pas du tout. Je propage ta belle parole auprès de tout le monde et tout le monde me dit, mais putain, en fait, t'as raison. Le fait que les iPhones... bloque quand quelqu'un t'appelle. L'iPhone, mais vraiment, il dit le monde enfer. S'arrête. Alors quelqu'un qu'on est t'appelle. À iOS 34, là, et c'est alors toujours que sur Android, pas réglé. Quoi. Moi, j'étais tranquille. Sur Android, ça me mettait juste une petite, un petit rectangle en c'est haut du incroyable. Truc. Je pouvais continuer à faire des choses. Tu ne peux rien faire. Quand quelqu'un t'appelle, tu ne peux rien faire. Donc, moi, ça m'est arrivé dans les situations les plus reloues. Bah, y a quand t'écoutes un podcast, et vraiment, tu t'es comme un con, tu dois attendre qu'il ait fini. Quand tu composes un texto à quelqu'un qui peut être un peu long, et d'un coup, quelqu'un t'appelle, donc t'es là, genre, super. Donc, t'attends comme un con qu'il ait fini de t'appeler. Ça m'est arrivé aussi dans un digicode, vraiment dans le froid le plus total. Je vais pour taper le digicode et ça m'appelle. Et donc vraiment, t'attends dehors, devant une porte. Bah moi, ça m'arrive, genre je suis en train de regarder un truc porno. Ah oui, non, moi ça m'est jamais arrivé. Genre je mets. Mais moi, j'aime pas les petits écrans pour le porno. Je préfère regarder ça sur des télés. Ah, moi, j'aime bien parce que comme ça, ma tub a l'air énorme. Et en fait, il y a quelqu'un qui t'appelle. Et en général, en plus, quelqu'un de ta famille, sinon c'est pas marrant. Et puis, t'es obligé de le regarder dans les yeux. Vous avez pas envie de filtrer l'appel, tout simplement. Mais tu peux pas. Enfin, oui, raccrocher, quoi. Si tu raccroches, la personne sait que tu l'as raccroché dans sa gueule. Pas si tu raccroches directement. Mais non, parce que tu peux pas raccrocher directement. Si. Parce que quand tu raccroches, d'un coup, il te dit vous voulez dire que vous êtes occupé, que je te rappelle plus tard, que tu sais, les 5 propositions qu'il te demande quand tu vas pour raccrocher. Quand t'es en mode ne pas déranger sur l'iPhone. Ah, mais je mets pas le mode ne pas déranger. Il y a un bip Et après, ça met, il est occupé. D'accord. Okay. Donc, tu peux jouer là-dessus. Ah putain, mais je ne savais pas, tu vois. Je ne savais pas. Des petites astuces high-tech. J'ai l'impression qu'on est dans Studio 404 ou quoi ? Bienvenue dans Studio 404, l'émission sur les numériques. Les numériques. Mon bon Léo, est-ce que tu en as d'autres ? J'en ai un dernier. Allez, un dernier. Les enterrements de vie de jeune fille et de jeune homme. Ah ouais. C'est vrai que c'est un peu relou. C'est un peu relou. Et moi, surtout. Parce qu'ils te font chier dans la rue en plus. Alors ouais. Voilà, c'est exactement ça. Alors, ça m'est arrivé il y a une semaine. J'étais avec ma nana dans le métro et il a fallu que j'explique un truc en moi qui me met pas bien à ma meuf, alors que ça fait quand même plus de 2 ans que je suis avec elle. Il a fallu que je sorte du métro. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu au loin de la rame, au fond du wagon, c'était genre la ligne 2, enfin, tu sais, celle où, qui sont. Sophia. Où les. Hein Sophia, où les wagons communiquent. Voilà, où les wagons communiquent. Et je l'ai vu arriver. Et je fais à ma meuf, ah non, non. Et du coup, elle demandait des trucs aux gens en disant, vous me faites des bisous, faites-moi des bisous. Ouais, c'est ça. Parce que je vais enterrer ma vie de jeune fille. Et vraiment, je voulais pas le faire et je voulais pas lui dire. Et surtout, je vois quelqu'un au loin qui fait non, non, non. Et qui fait, oh, bah allez, monsieur. Et qui commence à être autour de lui. Et j'ai vraiment dit à Clara, enfin, j'ai fait ne à ma meuf. Jamais à Avignon. Et j'ai vraiment dit, il faut qu'on descende de cette rame. Elle m'a dit, bah non, mais c'est ridicule. Je fais, vraiment, je suis désolé, il faut qu'on descende. Je commence à me sentir pas bien. Et il a fallu qu'on sorte, attende. Non, mais j'étais. Et vraiment, après, elle m'a vraiment fixé, genre, bah, il va falloir m'expliquer, parce que c'est vraiment beaucoup pour juste une meuf qui fait s'entendre du John C. Mais vraiment, ça me met mal à l'aise, quoi. Oui, c'est ça. Elles sont déguisées en princesses et réclament des bisous. Et quand tu dis non, tu passes pour un vieux gars. Je préfère fuir, tout simplement. Non, la fuite. Et en fait, là, je pense qu'on est, dans une espèce de biais cognitif un peu, parce qu'on dit « Ah, je déteste les enterrements de vie de jeune fille, parce que c'est toujours des gens qui viennent te faire chier dans la rue et tout. Ouais. » Mais en fait, je pense que ça se trouve, il y a 80% des enterrements de vie de jeune fille, c'est des gens qui sont peinards dans leur appart. Et qui vont à Las Vegas. Non, mais évidemment de cela. Non, mais c'est vrai que... Non, c'est juste que je viens de réaliser que... On s'est tous compris, mais en fait, c'est normal, c'est ce que tu vois que tu n'aimes pas. Oui, mais quand on pense enterrement de de jeune fille, on a cette image là tout de suite. Bah oui, et on dit, et du coup, on dit bah c'est de la merde, mais en fait, si ça se trouve, il y a plein d'enterrements. Enfin, ça se trouve, bah, non, il n'y a pas 10 000 façons, de mais faire si, il si, y en a. Non, mais ça se trouve, il y a des gens qui disent bah mon enterrement de vie de jeune fille, c'est on joue au Uno chez moi. Il y a plein d'enterrements de vie de garçon où c'est genre on va faire un laser quest entre nous, après on va manger des chips, on loue une maison dans la campagne, on fait des conneries, on prend de la drogue, on fait des conneries. Je suis un ringard, on va en ville, on fait des conneries, on fait des grosses conneries. Moi, la plupart de mes potes, enterrement de vie de garçon, vraiment au début, il y a vraiment dès le début de bonjour, on va faire enterrement de garçon pour machin, il m'a bien précisé, rien de on se déguise dans la rue, rien de on fait chier les gens. Justement ça. Moi, clairement, s'il y a un enterrement de garçon, faut qu'il y ait une switch et c'est tout. Il n'y a pas besoin de grand chose autour. Moi, faut qu'il y ait une pelle et de la chaux. Hein? Philippe? Oh oui, il y a eu une doublette. Bon, ouais, bah, écoute, merci beaucoup Léopold parce avec que t'as fait en sorte qu'il y ait un moi, thème. Moi, je peux dire un truc que j'ai découvert du coup. Vas-y. Dans le style de Léopold. Parce que jusqu'à maintenant, ça m'était jamais arrivé. Genre, je parle avec des potes. Haïr un mec. Je parle avec des potes sur WhatsApp. Ça m'arrive tout le temps. Tu sais, des fois, tu fais des groupes. Ouais. Et pour la première fois, j'ai découvert un monde où les gens parlent en notes audio. Ah ouais, mais aléatoirement. C'est-à-dire que t'es là, t'es genre dans une situation, genre, je suis en train de faire une émission avec vous et je me fais un peu chier. Et genre, je regarde mon WhatsApp et il y a mes potes qui me parlent. Et tout d'un coup, pour rien, il commence à y avoir des notes audio qui apparaissent que je peux pas écouter. Ouais. Et juste, je dois abandonner la conversation en disant « Bon, bah, je rattraperai 77 notes audio pour pouvoir répondre. » C'est très compliqué à rattraper, ouais. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Et on va passer à la troisième partie de l'émission, le Curious Cat. Les gens ont posé... Bah oui. Et oui, après, il y aura le jeu, Adrien. Mais il y a des gens qui ont posé des questions. Et du coup, il y a des questions pour moi cette fois. Il y a plein, mais il y en a plein parce qu'il y en avait même. Non, parce qu'à chaque fois, il y en a pas pour moi. Mais il y en a. Non. Arrête, mais réécoute les derniers. Tu peux arrêter de chouiner. Le ouin ouin. Bon, on va commencer tout. On va commencer tout de suite. Adrien, on va commencer tout de suite avec une question pour toi. Non, pas forcément. Si, je te le dis tout de suite. Pourquoi est-ce que t'es un gros bébé cadam comme ça, Adrien? Je sais que tu représentes le vrai hip-hop. Voilà. Je suis moi-même. C'est des blagues. Je suis moi-même un fan de hip-hop. Pourrais-je avoir ton avis sur le dernier album de Booba, Trône? Je ne l'ai pas écouté. Je passe du coq à l'âne, mais... Coq à light. Putain, merde, assez temps. C'est Pascal... Parce que je lisais la fiche Wikipédia de Pascal Pro. Qui est Pascal Pro? Tu connais pas... Vous voyez qui c'est Pascal Pro ou pas? Non. C'est le plus gros fils d'up de la télé actuelle. Non, mais c'est un mec... C'est vraiment une émission sous on le signe... On a vraiment cité beaucoup de noms. Est-ce que tu pourras appeler cet épisode sous le signe de la haine? Non. Alors là, pour le coup, Pascal Pro, je n'ai pas de mal à dire que c'est l'accumulation qui compte. C'est pas... je comprends. Je dis pas qu'il n'y a pas qui mérite. Mais là, non, mais c'est le mec qui a... En gros, lui, avant, il animait des émissions sportives. Après, tu me diras le rapport avec ce qu'on a dit. Ah, mais oui, oui, il a fait un buzz sur Twitter. Mais tout le temps. Ah oui, c'est dit genre, le mec qui a hurlé sur le spécialiste football en disant « Arrêtez de dire que c'est du racisme !» Oui, enfin, c'est pas un spécialiste football, c'était le rappeur Rost. Ah, pardon. Donc, déjà, paf, on est encore dans le vrai hip-hop. Bien joué. Non, non, mais en gros, le mec est chroniqueur dans son émission et il parlait de l'incident de Patrice Evra qui a mis un high kick dans la gueule d'un supporter. Et donc, il disait « Oh, bah, tout le monde... » Enfin, c'est donc que des blancs et un noir, enfin que des blancs de 60 ans et un noir de, je sais pas, il doit avoir 40 ans, j'en sais rien. Et en gros, tout le monde donne son avis. Et donc, Ross dit, bah, quand même, pour sa défense, je voulais dire que quand tu subis le racisme toute ta vie, et le mec lui a hurlé dessus, genre, arrêtez avec le racisme, c'est bon, ça va. Il fait, non, mais je peux en placer une et tout. Le mec a failli quitter le dos. Juste, il lui a hurlé dessus jusqu'à ce qu'il arrête de parler, parce qu'il estime qu'il faut pas parler de racisme quand il y a un incident avec des supporters de foot et un noir. Enfin, bah, c'est un gros con. Et ça, il y a eu le même, genre deux jours après, un autre truc où. Déjà, il y a Eugénie Bastier dans ses chroniqueuses, qui est déjà un signe que t'es un mec chambé. Non, mais tout ça pour dire que j'ai lu sa fiche Wikipédia et que, en fait, Bernard Tapie. Arrêtez de faire chier Bernard Tapie. Alors là, je te taquine. Joli. Non, non, mais il est précurseur de Rof et Booba. Parce que Rof, il est allé en prison parce que il a demandé à un de ses potes de tabasser un gars dans un magasin. Il a lui-même tabassé un gars. Je suis pas sûr que lui-même. Ah bah, il était dans la bande. Sur la vidéo, il est dessus avec un pote à lui. Bordel, ben, sachez que Bernard Tapie l'a fait avant Rof. Bernard Tapie a tabassé, a foutu une droite à Pascal Praud dans un magasin de vêtements. Putain, wow. Il a tout piqué. Voilà. Donc le vrai hip-hop, c'est Bernard Tapie. Et si je peux dire comme un truc, franchement, comme l'avait dit Doc Gynéco. Je suis pas fan de Bernard Tapie, mais il a mis une droite à Pascal Praud. Bien joué, mon gars. Moi, là, quand t'as dit Wikipédia, ça m'a fait penser que je sais plus pour quelle raison j'ai lu la fiche Wikipédia de Orelsan. Ouais. Et j'ai découvert une anecdote qui est très marrante, qui est pourquoi Orelsan s'appelle Orelsan. Alors, Aurélien. Donc, il s'appelle Aurélien. Et Daniel San de Cardi. San, ça vient d'un truc. Ça veut dire monsieur en japonais. Ah, ça veut dire trois, ça veut dire monsieur ? Je sais pas. Ouais, j'ai réduit le japonais au manga. Il va pour s'inscrire à la SSM. Il veut déposer Aurel. Et Aurel est déjà pris. Okay. Donc, il prend Aurel San. Parce qu'il avait oublié que c'était lui qui avait déposé Aurel. Très donc, bien. En fait, il a les deux. Il a Aurel et Aurel San. Ah, donc, il aurait pu s'appeler Aurel 78. Je sais pas, Aurel c'est le code postal de. De Caen. De Caen. C'est génial, je savais pas. C'est très drôle. 14 000. Putain, la légende. Bruno, un retour de les invités, de mon invité sans mes invités un jour. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Bah ouais, il faudrait, mais bon. Ouais. En fait, en gros, il faut juste que je rebranche mes micros et que je réinstalle les logiciels. Et tu entends au son de ma voix à quel point ça me donne ça envie. Ça te saoule déjà très fort. La pérave. Le pérave, les gens ne se trompent pas, il n'y a que moi qui me trompe. Comment tu appréhendes ta possible future célébrité ? Oula ! Ta possible future célébrité, Loïc. C'est qu'il n'y croit pas vraiment. Ouais, non, il est croit, pas sûr à 100%. Il n'est pas sûr, il préfère pas se mouiller. Comment je m'y prépare ? Non, en gros, bon, je vais reformuler un peu sa question, mais pourquoi ? Parce que toi, tu écris pour Village Webs, qui est un site internet qui parle de culture musicale. C'est la culture de la nuit. La culture de la nuit. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, tu es en train de faire des vidéos Facebook, des vidéos sur Twitter et compagnie. Ouais. Pourquoi t'orienter là-dedans ? Est-ce que c'est un truc qui te plaît depuis longtemps et t'as jamais vraiment essayé de te lancer que... C'est justement à cause de Village Web que je suis pas à 100% là-dedans. Je fais ça à côté, le soir chez moi et le week-end. Donc, du coup, j'en fais pas beaucoup. Mais non, je vois ça... comme un passe-temps, ça me fait marrer. Et... Ouais. Oui, il n'y a pas vraiment un changement de carrière, tu fais ça pour t'amuser. Ouais. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Ça peut aller vite. Hein. Et puis si je peux faire que ça, c'est trop cool. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça un peu le but. Mais si ça se fait pas, tant pis. D'accord, c'est une jolie approche. Voilà. Sinon, le Schweppes, on est d'accord que c'est dégueulasse. Oui, ok, d'accord. La grume, c'est pas mal. Ouais, ok, je l'accorde. J'ai adoré Navo en première partie de Kian. Du coup, je me demande s'il prépare un one-man show personnel. A-t-il suffisamment de matériel ? Je vois que c'est un féru de podcast, un féru de stand-up pour utiliser ces termes. Non. Pas bon. Ah ouais ? Dernière fois que je t'avais vu, tu parlais de potentiellement. Ah, mais ça se trouve, il veut pas en parler publiquement, le mec. Ah non, mais c'est juste que... En fait, pour faire un spectacle, il faudrait que j'écrive et que je teste un pas peu dans les salles et compagnie pour réussir à faire une heure qui se tient à peu près. Puis après, il faudrait louer une salle, trouver une prod ou un truc comme ça, ou alors le faire tout seul, louer une salle. Et t'entends au son de ma voix. J'ai vraiment aucune envie de le faire. Très bien. Voilà. Mais bon, si à un moment les choses se présentent. En fait, le problème, c'est que je faisais la première partie de Cannes. T'as fait combien de dates avec Cannes d'ailleurs ? Je sais pas, ça doit faire genre 150 ou un truc comme ça. Le truc, c'est que normalement, quand tu fais une première partie, en plus, moi, plus Alep, elle durait longtemps. Au bout d'un moment, elle a duré 20-25 minutes. Ouais. Donc, tu pourrais te dire, ah, il a quasiment la moitié ou le tiers d'un spectacle. Sauf qu'en fait, non, ça ne marche qu'en première partie de Cannes. Parce que la grosse partie de cette première partie consiste à dire que Cannes va arriver et à faire des trucs avec le public par rapport au fait que Cannes va arriver. D'accord. Ce qui serait assez bizarre. Comme... S'il n'arrive pas après, voilà. Ah, un concept. Un concept, concept assez chelou. Voilà. Et tu peux pas tourner les blagues avec un autre prénom. C'est surtout les blagues marchent qu'avec lui. Je pense que ce serait pas terrible dans un spectacle. C'est plus marrant à froid parce que c'est une première partie et que la première partie elle est censée chauffer la salle et faire kiffer tout le monde. N'empêche. Et là, c'est une première partie qui insulte tout le monde. Quoi. Les gens savent que t'as un lien avec lui. Donc, voilà. Ouais, ouais. Et n'empêche, peut-être un concept de spectacle, mais peut-être qui a déjà été fait. Le côté genre, t'arrives en disant ouais, je suis la première partie d'un mec qui va arriver et tout. C'est un spectacle de François Rollin, je crois. C'est Gad Elmaleh. Voilà. Ah ouais, ah aussi bon bah... Ah non, Gad Elmaleh, c'est la première partie de lui-même. Ah d'accord. Ah ouais, non, Rollin, il disait. Je suis la première partie. En fait, il a fait deux trucs. Il a fait ça et même il faisait un autre truc où il disait excusez-moi, l'humoriste va arriver, mais enfin, je me permets quand même juste de dire un truc. Et du coup, il commence son spectacle alors que toutes les lumières sont allumées. Et après, du coup, il fait une heure et demie de spectacle. Je suis Roland. Et Kayron, pendant un moment, son running gag, c'était qu'il commençait le spectacle en disant avant de commencer le spectacle, il disait des trucs. Mm. Puis au bout d'un moment, il disait alors un autre truc avant de commencer le spectacle. Et en gros, c'était jusqu'à la fin, il disait avant de commencer le spectacle. Ah là là, bien joué, bien vu. c'est plutôt pas mal. Excusez-moi, je suis sur des questions en même temps. Adrien. Oh. Bah, la question est un peu bizarre, mais bon. Bah voilà, attention. On te voit de plus en plus au cinéma. C'est faux. C'est totalement faux. C'est okay. La première partie. Ouais, mais bon, t'as fait des films déjà. T'as vu dans des films. Moi, j'aurais dit de moins en moins. par rapport à l'époque où j'étais dans des films, de moins en moins, quoi. Bon, en tout cas, est-ce que écrire un film pourrait te tenter un jour? Bah, en fait, la question était vraiment chamée sans l'intro. Ok, on la refait. Adrien, une petite question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu aimerais potentiellement écrire un jour un film? Oui, absolument. J'y pensais là sur le chemin parce que j'ai une idée de film que j'ai en tête depuis un moment et j'ai été en train un peu de. T'es venu de à pied? C'est 1h50 quand même. Ouais. J'ai marché de chez moi à Arts et Métiers à peu près. Ouais, ok. Après, on a un peu la même team. Moi, j'ai marché jusqu'à Nation. Non, je dis non, plus. Non, j'ai marché jusqu'au Grand Rex. Ouais. Ah, c'est pas mal. Ouais. Vous marchez à la correspondance? Non, après, je suis quand même un riche, tu vois, donc j'ai pris un chauffeur privé après. Ouais. Tac, il y a toujours cette question, mais que je vais te poser à chaque Floodcast parce que peut-être ça va te motiver. À quand Adrien, je monte sur scène. Quand est-ce que tu montes sur scène? Ouais. Et Bruno, peut-être que tu vas faire une réponse avec le son de ta voix, mais est-ce qu'un jour tu serais tenté de recommencer la bande pas dessinée? En fait, quand j'ai arrêté la bande pas dessinée, qui était une BD sans dessin que je faisais en 2007-2008, je crois. Ouais. 2009, jusqu'à 2009, je crois. Ok. Il n'y avait pas vraiment Twitter, tu vois. D'accord. Et en fait, si tu regardes bien la bande pas dessinée, franchement, c'est plus facile de faire un tweet. Et c'est casser les couilles à dessiner des bulles, quoi. Surtout maintenant avec les 280 caractères, t'es à l'aise. Là, je peux faire deux épisodes en un tweet, quoi. Ouais. On peut même dire que même bloqué, en vérité, quand on écrivait bloqué, il y avait une. Enfin, je me permets de le dire à ta place, mais tu avais une réflexion de pensée proche de la bande pas dessinée, parce que c'est des petits traits d'esprit. Ouais, voilà. Sur des sujets mais de tu société. Vois, en fait, ça va. Alors, comme je pense mes deux précédentes réponses l'ont laissé présager, je suis feignant. Donc, au moment où vraiment Twitter, ça s'est développé, que j'avais un compte Twitter et des gens qui sont sur Twitter, quand j'avais une idée que je trouvais un peu rigolote, je la tweetais. C'était beaucoup plus simple que de sortir un feutre, parce que moi, je le faisais à la main en plus, pour rien, hein, pour qu'à la fin, ça ressemble pas à un truc pas à la main. Et de tout écrire dans des bulles, de les coloriser, de les exporter, de les mettre sur un site. Waouh, trop long, mon gars. Ouais. Autant l'écrire sur Twitter. D'accord, ok. Très bien. D'ailleurs, les 280 caractères... vraiment, les gens ont gueulé pendant mais deux jours. C'est trop bien. Je ne sais même pas pourquoi les gens ont gueulé, je n'ai même pas compris. C'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien. Parce qu'en fait, personne ne fait vraiment. Bien, deux... mais non, non, mais en fait, c'est personne ne okay, personne fait vraiment 280. Bah non, mais voilà. Quand tu peux faire 144, ça aide ça. Vraiment. Non, mais oui, surtout, c'est que pour moi, c'était logique dès le début. C'est-à-dire que Twitter, dès le départ, tu aurais dû pouvoir donner ta langue. Parce que si tu es un japonais, tu fais 1000 fois moins de caractères qu'un Allemand, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et donc, moi, quand on a dit 280, j'ai fait « Ah, cool, on va pouvoir tweeter comme les anglo-saxons. » Tu vois, moi, quand je voyais un tweet anglais, à un moment, on avait un compte Twitter avec Adrien Minel qui s'appelait « Rire de loin », qui consistait à traduire, tout en citant, c'était pas copie comique, qui consistait à traduire un tweet américain en français pour que des Français qui ne parlent pas anglais le comprennent et aillent voir l'original. Il y en a plein qu'on ne pouvait pas faire rentrer parce qu'une phrase qui faisait 140 caractères en anglais, elle en faisait 170 en français, en fait. Et on était obligé de couper des mots et on était là, putain, on ne rend pas vraiment hommage. Là, maintenant, on pourrait. Sauf qu'eux aussi, maintenant, ont 280. Donc, Et surtout, moi, ce qui me fait, enfin, ce qui était chiant, c'est les gens qui disaient « Ah, ça y est, c'est fini, Twitter, là, maintenant, 280 caractères. » Et tu fais « Ah, c'est vrai que c'était tellement mieux quand les gens faisaient deux tweets. » Parce qu'en fait, les gens, quand ils avaient un long tweet, ils en faisaient deux, en fait. Donc, c'était nul. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est juste pour le... Mais ça, c'est le truc, c'est le changement, c'est... C'est maintenant. Mais c'est pas ça que j'allais dire du tout. Non, mais c'est à chaque fois que Facebook change la taille d'un bouton, remet. « Ah, mais c'est nul !» Mais moi, je rêve de remettre. Ouais. Moi, je rêve un mois après, quoi. Mais c'est ça. Genre, moi, je rêverais qu'un jour, genre, il y en ait un, il est vraiment le seum. Tu vois, genre, iOS, quand ils ont arrêté de faire leur truc en skeuomorphisme et qu'ils sont passés au flat. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr. Les gens, ils disaient, c'est moche, c'est dégueulasse et tout. J'aurais kiffé que vraiment, Johnny Ive, c'est son nom, hein, John Ive, ils disent, donc le Johnny designer. Hallyday, c'est Johnny Hallyday. Non, Johnny Hallyday, c'est Lolo, bon c'est celui qui est mort tout à l'heure, là. Ouais, d'accord. Johnny Ive, ils disent, ah ouais. Ok, vous savez quoi, les gars? Venez dans 6 mois, on leur remet l'iOS d'avant. Qui était dégueulasse. Et les gars, c'est sûr, les gens, ils auraient pété un plomb dans l'autre sens. Ouais, mais j'aurais trop aimé qu'ils le fassent au moins une fois, tu sais, vraiment en troll. Genre, en mode 1er avril, quoi. Ouais, 1er avril. Une journée. Allez, bah, c'est ça que vous vouliez. On a bien réfléchi pendant 6 mois. Vous aviez raison. On vous le met, vous aviez raison. J'aurais bien aimé voir la mauvaise foi des gens qui ont fait. Ouais, bah c'est ouais, bah, mieux. Ma batterie, elle tient de ouf. Donc, c'est vraiment mieux. C'est plus joli. La texture de cuir et bois, là. C'est quand même mieux que des couleurs. Mais oui, cette imitation papier sur les notes, je les trouve vraiment. Moi, la première fois que j'ai eu un iPad, j'ai vraiment dit c'est chamé. Par contre, c'est dégueulasse graphiquement, quoi. C'est pour ça qu'ils ont changé. Les fausses étagères, les trucs en cuir et tout, c'était immonde, quoi. Mais parce qu'à l'époque, c'était stylé et qu'ils ont pris du retard. C'est Google après qui a fait des trucs beaucoup plus flat. Bah, apparemment, le truc c'était une volonté de la part d'Apple de dire pour faire une transition, il faut que ça ressemble au truc physique qu'on utilise. Sauf qu'entre temps, Google, eux, ils ont dit nous on est vraiment un service web dès le départ. On vend pas d'objets physiques, donc ils sont partis sur des trucs très flat dès le départ et de plus en plus flat. Et à un moment, quand tu regardais les deux designs, tu disais vraiment c'est moche maintenant chez Apple. Et ils ont dit il faut qu'on change et ce sera radical. Et après ils ont dit bon. On sait bien que les gens ils vont gueuler, mais il va rien se passer derrière. J'ai pas vu des gens jeter leur iPhone au sol en disant bah, c'est terminé maintenant. Très très peu. Voilà. Et on va terminer avec une dernière question pour Bruno. Bruno, peux-tu nous expliquer? Ah putain, j'ai perdu la question, mais je vais la redire à peu près dans l'idée. C'est ça la question, putain, elle est compliquée. Elle est très compliquée. Non, la question, je l'ai perdue, mais en gros, c'est ça. En gros, le mec ne rend pas du tout hommage à la question. En gros, le gars te demandait ce qu'il un voulait truc. Dire, voilà, grosso merdo. Hein. Le mec a mis 6 heures concept, à l'écrire. Le concept de script doctoring, en quoi consiste le métier de script doctoring, puisqu'il a vu le nouveau, il a vu ton nom à la fin. Alors, ça, en fait, ça dépend, parce qu'en vérité, il y a pas vraiment, vraiment de script doctor en France. Donc, moi, perso, ce que je fais, c'est que quelqu'un a un script de film. Mais terminé en quelle version? Mais qui a déjà bien avancé, quoi. Ça dépend. Genre, le nouveau, c'était la version, je sais pas, ça doit être la version 6, où il avait déjà bossé avec d'autres gens, où voilà, il avait déjà avancé sur des trucs, mais il était toujours pas content. Et donc, typiquement, pour le nouveau, en gros, ça a consisté... quasiment tous les jours de ma life à aller chez Rudy Rosenberg qui est l'auteur et le réalisateur du film et à ce qu'on discute pendant des heures de son film jusqu'à ce qu'il soit mieux. D'accord. Et il est très très très très perfectionniste et très précis, donc j'étais content parce que je suis un peu aussi. Pareil. Voilà. Donc on se prenait la tête pendant des heures et des heures sur des virgules, sur des points, sur des trucs, sur des persos, sur des structures. En gros, j'essaye de comprendre ce que veut dire la personne. C'est un peu ce que je fais aussi dans le stand-up. Oui, parce que tu écris aussi pour les gens qui ne savent pas. Tu es auteur de pas mal de stand-uppers. Voilà, mais je suis en général co-auteur. Thomas Sisley. Thomas Sisley, c'est pas moi du tout. C'est Arsène Lupin qui écrit ces textes. Non, mais alors, je suis co-auteur en général parce que justement, il faut que ça vienne de l'autre. Et moi, j'essaie de comprendre son délire. Et au bout d'un moment, je commence à comprendre comment il parle, comment il structure ses phrases. Et là, je viens plus pour rajouter un peu des vannes, muscler le truc, trouver des idées, mais surtout accompagner les siennes et faire en sorte qu'elles marchent de mieux en mieux. Voilà. Et donc là, c'est pareil, sauf que contrairement à la scène, tu n'as pas d'occasion de tester. Donc, à un moment, le film existe. Voilà. Mais je conseille le nouveau, qui est un très bon film. Bah moi, ouais, je kiffe ce film. Moi, je peux dire qu'il est bien parce que du coup, j'étais juste à la phase d'écriture et après, je ne l'ai jamais revu. Les gamins Rudy. Sont extraordinaires ouais. en termes de jeu et tout. Ouais. C'est vraiment très, très bien. Donc, en gros, ça consiste en ça. Et des fois, c'est on t'envoie un script et on te demande juste de faire des notes. Ouais. Donc, oui, parce que le nouveau, tu n'as même pas touché au doc, en fait. Tu as juste discuté avec le nouveau. Le nouveau, on touchait au doc en direct. C'était lui au clavier parce que c'est lui qui bossait sur son truc, mais on écrivait les scènes ensemble. D'accord. Voilà. Mais parfois c'est juste j'envoie des notes quoi. D'accord, je dis voilà. Cette blague elle est pas très bien. Ouais, ou des trucs, c'est ou plus des trucs de structure. Ouais. Genre cette fin ne fonctionne pas, il faudrait que voilà. D'accord. Et donc en fait ça dépend beaucoup de. C'est des sessions qui peuvent être assez chères. Donc en général on essaye de les faire très ramassées. Tu vois, très dense. Efficace, ouais. Efficace, genre on se voit 5 heures, on ne fait que parler, okay. tu notes tout. Ouais. Après, le gars part, il réécrit à partir de toutes ses bases. Et après, on se revoit, voilà, en essayant de ne pas faire trop de... Trop bien. Trop de séances, sinon après, sa prod, elle dit, bah mec... Ok. Mais écoute, on va passer à la dernière partie. Dernière partie de ce Floodcast, nous allons jouer à un petit jeu. Ah, et les gens qui nous suivent depuis longtemps, parce qu'il y a quand même Bruno qui est autour de la table, il y a aussi Adrien. Bon, Léopold, tu n'étais pas invité aux premières, je crois, mais nous allons ressusciter un jeu que je faisais à l'époque de la nuit originale. Oh putain. Il s'agit d'un jeu qui s'appelle le Fouini Quiz. Oui. Alors, le Fouini Quiz, qu'est-ce que c'est si vous n'étiez oh, pas là régal. Nous vous écoutons les premières lignes de parole de la Fouine et il faut deviner okay. la fin de la punchline. Alors, évidemment, c'est encore mieux si vous n'y connaissez rien. C'est ce qu'il y a de mieux parce que il faut. Moi non plus. C'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait, du coup, c'est deviner quoi, tout simplement. Putain, moi, je peux jouer des heures. On commence. Finalement, c'est vraiment très proche du jeu du Jean-Marie Bigard. Hein. Oui, oui. Bah, même en thème, tu sais, mais tout est niveau de la plume. Ah, tu sais que chez moi, j'ai un livre. Ça s'appelle Mes dernières pensées sont pour vous de Philippe Bouvard. Ouais. Il est chez moi. C'est pas mal. Ah putain. Ça ah oui, je t'ai envoyé d'ailleurs. Je t'ai envoyé des captures. On va s'écouter un premier extrait. Oh, je suis heureux. C'est pas arrivé depuis longtemps. Alors c'est quoi, on devine chacun notre tour ou... Non, bah, c'est un peu, tu sais, c'est la foire d'empoigne. Hein, c'est un peu qui... Mais en même temps, il y a quand même, on sait se tenir. Mais toujours dans le respect. Dans le respect mutuel. Les rébellions, les cocktails, tournantes hôtels. Ici l'argent est sale, mais nos avocats... Alors ici l'argent est sale, nos avocats. Dans le mais nos avocats. Je vous la remets, comme ça vous avez la potentielle rime. Sachant que des fois, il n'y en a pas, hein, c'est la fouine. Les rébellions, les cocktails, tournantes hôtels, ici l'argent est sale, mais nos avocats... On l'eau de Javel. On l'eau de Javel pour Bruno. Ah, c'est plutôt un tel, normalement. Ouais. Dis si c'est ça ou... Non, enfin, c'est pas ça. Parle-moi mieux, par contre, directement. L'argent est sale, mais nos avocats... Alors, en gros, il veut dire que leurs avocats nettoient l'argent sale. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avec avocats... une rime en L, potentiellement. D'où l'eau de Javel, mais... Ouais, t'es pas si loin. Mais je pense que ça a une rime en tel, s'ils se respectent. Bon, je vais t'aider tout de suite. Non. C'est... Alors, c'est une rime en al. Non, c'est une rime en L. Nos avocats. Ici, l'argent est sale, nos avocats. Foutent le bordel. Ouais. Je vous l'ai fait écouter. De toute façon, les premières, il faut toujours se mettre dans le bain. Non, mais si, t'inquiète pas, il y en a 17. Alors là, malheureusement, Flaubert, t'es tombé. Je connais pas assez Léopold, mais t'es tombé sur deux gars, en tout cas, qui sont capables de chercher pendant 8 heures. Je sais, mais il y a des auditeurs, malheureusement. Est-ce que tu as un tableau, des décrets parce qu'on peut faire des équations. Nos avocats sont ceux des cartels. Non, c'est pas ça. Non, mais première. C'est même pas une rimentelle, elle est mieux. Oui, c'est vrai. Les premières, de toute façon, je vous les donne toujours un peu facilement, mais parce que c'est important. Ouais, on peut poser des questions. On va être déçus. Allez-y, posez des questions. Si tu fais ça. C'est un rapport avec la saleté. C'est un rapport avec la saleté. Les rébellions, les cocktails, tournantes, hôtels, ici, mais nos avocats, on les bumptel. Donc, on les. Mais nos avocats ont le ou on a leur tel, on peut les appeler quoi. Non. C'est un verbe ? C'est même pas une rime en tel. C'est une activité. C'est pas que un verbe. Le verbe, c'est faire. Ah, font la vaisselle. Les rébellions, les cocktails, tournantes, hôtels, ici l'argent est sale, mais nos avocats font la vaisselle. Un point pour Adrien. Bravo. Merci, on compte pas les points. On compte pas les points. Si, on compte les points. Alors, tu vois, ça, c'est mon truc de connard. Ah ouais, Adrien aime pas quand on compte les points. Si, on compte les points, mais si, c'est plus drôle. Ta gueule, sérieux. C'est pas plus drôle. C'est plus humiliant pour ceux qui perdent, c'est tout. Bah, ça va être humiliant pour Léopold. On s'écoute. C'est quoi, vu qu'il veut compter les points, je vais me donner à 1000% maintenant. On s'écoute un nouvel extrait issu de la chanson Panam Boss. Non, alors c'est des michetonneuses, donc c'est des gold diggers. C'est des michetonneuses et chercher. Qui a de l'argent à faire. Alors, je pense qu'il y a un jeu de mots avec une marque de tabac. Il y a un jeu de mots malin. Il y a un jeu de mots avec une marque de tabac. Non, pas avec une marque de tabac. Mais tu es dans le domaine. On est dans le champ lexical du tabac. Ah, qui a des millionnaires. Ah oui, putain. Ah oui, moi je. Bien. Y'a pas qu'au tabac qu'on gratte un millionnaire. Ah, qu'on gratte. Ah, elle est jolie. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Moi, j'aimerais le redire parce qu'il y a des. Quand il a dit millionnaire, t'aurais dû dire presque et on aurait cherché gratte. Ah, après, je ferai attention pour les prochaines. Non, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste de la moquerie, mais moi, vraiment, je déguste ça. Ah, moi, je sais que tu aimes Fouini. Ah ouais, moi, je suis allé le voir au Zénith. Je déguste ça comme un bon vin. Et donc, ça fait 2 points pour Adrien. Gagne un jeu auquel il veut pas compter les points. On reste dans la chanson Paname Boss. Ah. Parce qu'elle est, elle est pleine de punchline. Je suis content. Nique sa mère, le commissaire et son salaire de misère. J'ai différentes filles avec différentes mères. Et comme j'ai plein de billets de sang, elle m'appelle. Grand-père ? Non. J'ai différentes filles avec différentes mères. Et comme j'ai plein de billets de sang, elle m'appelle. Le conseiller bancaire. Attends. J'ai plein de différentes filles avec différentes j'ai mères. J'ai plein de. Ouais. J'ai différentes filles avec différentes mères et comme j'ai plein de billets de sang, elles m'appellent. Centenaire. Non. C'est un jeu de mots extrêmement pété. Voilà, je peux pas vous dire plus. Alors c'est avec 100 et 100, S-A-N-G ? Sanguinaire, ouais, je vais dire, ouais. C'est pas ça. Plein de billets de sang, c'est sur le billet de sang, mais c'est pas ça. Un truc avec Monopoly ouais, non. Putain, j'y pensais. Elle m'appelle la bonne paye. Ouais, moi je pensais à ça, genre la bonne paye ou Monopoly, vu que c'est des enfants. Elle m'appelle Chaoli. C'était Chaoli le meurtrier. C'est le mystère de Pékin. Bon, c'est pas long. Mais c'est un jeu de mots. C'est pas juste le millionnaire ou le. Non, c'est un vrai. C'est elle un m'appelle vrai. Monsieur le millionnaire. Bon, ouais, faut beaucoup de billets de sang, mais. C'est un vrai jeu de mots. Elle m'appelle. Un vrai jeu de mots Kevin extrême. Kevin Costner. Non. Parce qu'il a quand même une belle carrière. Oui, il a pas mal de thunes. Ouais, c'est thune. Vrai qu'il doit être blindé. Plusieurs billets de sang. Elle m'appelle sans père. Elle m'appelle. Ouais, elle m'appelle papa quelque chose, un truc comme ça. Non, parce que ça termine par père. Ouais, mais ça peut être papa. Non, je pense que c'est le mot père, je pense. Vu que ça rime en R. Alors, il y a le mot père, mais ça se finit pas par père. Voilà. Ah, elle m'appelle le père Noël, père... Les billets de sang, pensez aux billets de sang. Elle m'appelle père Noël, ma mère. Attends, les billets de sang, c'est quoi dessus? Pascal le grand-père. Ah, c'est Pascal vert. Le grand-frère. Ça rime avec vert. C'est pas vert, un billet de sang? Pervers. Pervers, ok, d'accord. Elle m'appelle le père vert. Quoi? Ah, on sent vert, les billets. J'ai différentes filles avec différentes mères. Et comme j'ai plein de billets de sang, elle m'appelle père. Ouais, oui, parce que, oui. Est-ce que les billets de 100 sont verts? Ils sont verts, les billets de 100. Ah, je sais pas, parce que moi j'ai que des 500. Parce que du coup, j'ai un demi-point, du coup. Mais si on compte les points, je sais quoi, Léopold, je pense qu'Adrien sera d'accord avec moi, t'as 800 points. On est d'accord, on lui donne 800 celle-là, points. Celle-là, elle est jolie. Comme ça, c'est toi qui as gagné, elle c'est sûr. Elle est un peu tirée par le cheveu. Elle est extrêmement tirée par le cheveu. Je trouve qu'elle est bien. Elle est un peu tirée par le cheveu. On quitte un peu le domaine de la banlieue sale. Non, je trouve pas qu'elle est tirée par le cheveu. Regarde, elle marche dans. Non, regarde. Non, parce que comme il a différentes filles avec différentes mères, c'est un pervers. Comme non, c'est un père. Oui. Non, mais c'est un pervers aussi, oui, vu qu'il a plein de mères. Je pense qu'il est surtout sur le côté père, je pense. Non, mais c'est justement, c'est les deux sens. C'est ça qui est joli. Voilà, oui, non, c'est un comprends. Pervers parce qu'il a plein non, de non, meufs. C'est plus pour c'est le côté un père. Vert. Toi-même, t'as dit « Ah oui, parce les billets que les de sang sont de couleur verte. » Oui, voilà. Mais tu vois, il y a quand même le truc que tu fais. Ah oui, parce que tu vois, c'est pas immédiat, genre, bah oui, pervers. Il y a quand même le non, moment mais, où tu dis non, ah mais parce oui, qu'il parce dit le père, vert. Encore une fois, ça se déguste comme un bon vin, c'est pour ça. Non, pour moi, il met la pause à pervers. Bon, on y retourne, il y a des points à gagner là. Moi, je trouve que ça marche. Non, moi, j'annonce que je trouve que ça marche pas mal parce moi, que justement, c'est dans une nouvelle tendance dans le rap. Ouais. Alors peut-être que tu représentes le vrai hip-hop d'avant. Non, mais s'il avait dit j'ai différentes filles avec différents pères, différentes mères, je me bats pour l'écologie et je persévère et on m'appelle pervers, tu vois. Parce qu'il est vert, le mec, quoi. Non, c'est pire. C'est charmé, moi. Ce que je veux dire, c'est mieux. Et en plus, il y a une petite conscience, tu vois, genre. Je veux dire, c'est que. Battez-vous pour la planète. C'est que la nouvelle tendance dans le rap, c'est de ne plus faire vraiment la rime, mais juste de mettre le mot qui aurait dû rimer, parce que ça devient trop lourd de faire la rime. Bien oui, sûr. Je sais. Tu vois, non, genre non. Comme Nekfeu, quand il dit à oui, l'école, sais, les profs voulaient monoter, il fait pas la rime avec monoter, t'as compris. Je me sentais prisonnier à l'école, parce que les profs voulaient toujours monoter. J'entends. Voilà. Moi, à la manière de menottes. C'était plus voilà. C'était, le côté écologie que je disais. Parce que l'écologie verte, tu fais direct. Ah bah oui. Mais, ouais, mais les billets de sang sont verts. Parce que tu représentes le vrai hip-hop, mais t'es pas assez dans le. Pas assez blindé. Non, mais pour moi, billet vert, c'est les dollars. Ok, bah, chacun. La fouine n'est pas d'accord, voilà. Voilà. On quitte. Donc il y en a 17 comme ça. Il y en a 17. On est parti pour une heure, je suis tellement content. Ouais, non, ce sera pour les vrais de vrais. Donc on quitte le monde de la banlieue sale pour aller sur une chanson un peu plus de lover. Parce que si vous connaissez un peu la carrière de La Fouine, il avait fait un album qui s'appelait La Fouine versus Laouni, qui était un double album où il y avait La Fouine, où c'était ses chansons violentes, et Laouni, qui était ses chansons un peu d'amour. Et c'était avant Pilule Rouge, Pilule Bleue de Gims. C'était avant Pilule Rouge et Pilule Bleue. Mais c'est un précurseur sur énormément de choses. La chanson s'appelle Papa. Et je vous laisse écouter les paroles. Je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie, on m'a retiré tous mes points. Alors que j'ai pas le permis. T'es pas loin, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus un jeu de mots, encore une fois. Je, alors, je t'aime comme un fou, je t'aime à la folie, on m'a retourné tous mes points. Parce que je t'aime comme c'est pas permis. Oh! Je t'aime à la folie, on m'a retiré tous mes points. Je t'aime comme c'est plus permis. Ah, ok, joli. Elle est jolie. Ah, quand c'est du rap love, je suis là. Hein. Ok, on quitte le rap love, on revient tout de suite dans le très, très, très gore. C'est dans son dernier Capital du Crime, parce qu'en fait, Capital du Crime, c'est ses mixtapes un peu violentes. Il en a une qui est sortie cette année qui s'appelle Capital. En fait, il y avait Capital du Crime 1, 2, 3, 4, où il faisait des feats avec plein de rappeurs. Il y en a eu des très forts. Il y a eu, Adrien Méniel. Adrien Méniel. Il y a eu Android Méniel, qui est son pseudo de rappeur. Intergalactique. Non, il y a Orelsan, on a fait une. Il y a Sneezy West de 1995. Enfin, il y a plein de gens. Rof à une époque. Joli petit. Ouais, mais que j'aurais coupé au montage. Mais non, bon, non, bah, du coup, je le laisse. Ouais, le dernier s'appelle Capital du crime censuré. Donc, par qui, par quoi, on ne sait pas trop. Wow. Mais en tout cas, c'est bon, voilà. Autant vous dire que c'est extrêmement gore. Ma colocataire est trop bonne, je la change tous les jours comme Airbnb. On sort les trucs, les têtes à tête, c'est bel et bien fini. Comme le R&B. Oh, très très joli. Ouais. Bah ouais. Ah, j'ai pris le. La terre est bonne, je la change tous les jours comme Airbnb. On sort les trucs, les têtes à tête, c'est bel et bien fini comme le R&B. Plusieurs styles hein, de rap au final. Ouais, hein, ça me semble pas mal. Ouais. Non, j'écoute un peu la fouine. Non, mais pour de vrai. Non, mais il touche un petit peu à tout. Ouais, il y a plein de ressources. Certains diraient que du coup, il bouffe à tous leurs ateliers, mais moi, je trouve qu'il explore tout d'ailleurs, simplement. D'ailleurs, MC Solar, dans son dernier album, j'ai entendu ça dans le Uber en venant. Il fait de la trappe. Ouais. Et il dit: je suis tombé dans la trappe, Nigo. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, mais en fait, ce qui m'énerve le plus dans ce morceau, déjà, c'est que ça fait vraiment un vieux qui se fout des jeunes qui font de la trappe. Et tu dis, bah, laisse-les tranquilles. Ouais. Le jeu de mots en la trappe, Nigo, c'est vraiment. Mais surtout, c'est que le refrain, c'est. Donc, il se met dans la peau d'un jeune qui aime la trappe. Ouais. Et il dit: je ne suis qu'un môme qui rêve de voir le MoMA. Et vraiment, pour moi, je pense que c'est l'envie numéro 6283 d'un enfant qui fait de la trappe que d'aller dans un musée à New York. Voilà. Mais je crois que c'était pour faire une rime avec Mom. Ouais, peut-être. Mais bon. Ah, c'est très réducteur parce qu'il y a plein de rappeurs qui... on enchaîne avec une jolie petite chanson. Non, regarde, je vais pas fourrer la même qu'hier. Je bouffe la tâche. Alors, c'est très rapide, je vous la remets immédiatement. Je vais pas fourrer la même qu'hier. Alors, attendez. Non, regarde, je vais pas fourrer la même qu'hier. Je bouffe la tâche. À la cuillère. Non. Oh putain. Elle aurait été belle, mais c'est pas ça. Putain, mais pourquoi il a je lui bouffe ça Alors pourquoi il lui bouffe la tâche de gouttière. C'est pas pourquoi d'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'est pas pourquoi il lui bouffe la tâche. Non, je lui bouffe la tâche de gouttière ou pas? Non, pas du tout. C'est donne une spécificité à la tâche. OK. La tâche a une particularité. Je lui bouffe la tâche. Je lui bouffe la tâche, elle, et c'est en rapport avec la tâche. Elle a le goût de gruyère? Non. On n'est pas sur le goût, on est sur l'activité de la tâche. Sans vouloir trop en dire. Elle mouille. T'es pas loin. Elle mouille comme une rivière. Elle coule comme une rivière. Non, mais c'est elle mouille comme quelque chose. Elle mouille comme. Comme une rivière, c'était joli. Cuillère, luyère, nuyère, vuyère, rière. C'est un mot un peu long, mais très basique. Simple, vous n'avez pas les bases d'ailleurs, je me permets de vous le dire. Parce que vous êtes trop con. Une termitière. Non. Elle mouille. Comme... Donc, c'est pas comme une rivière. Non, mais ça aurait été plus mignon, parce que là, il a vraiment mis une métaphore pas belle. Elle mouille... Qu'est-ce qui mouille? Une infirmière. Une serpillière. Hein? Une serpillière. Oh, oh, je vais pas fourrer la même qu'hier. Je bouffe la tâche, elle mouille comme une serpillière. Oh, bah, bien sûr. C'est logique. Une fois que tu l'entends, c'est logique. Bah, ouais. C'est connu, en plus, que ça mouille une serpillière. Bah oui, oui. Non, mais surtout, imaginez une bonne serpillière qui mouille, et là, vous avez une belle image en tête d'une tâche. Attention, on passe au 9e extrait. Ouais, encore 9. Allez, encore 9. Non, il y en a moins que ça, en fait. Oh, bâtard. Celle-là, elle est très, très belle. Putain, j'ai rien compris. Ah ouais, c'est trop... Alors, attendez. C'est une chanson qui s'appelle « Quand la musique est bonne », c'est une reprise de Jean-Jacques Goldman. Chez Géraud, midi. Alors, en gros, voilà, il fait plein d'activités... Pourquoi il allait frapper chez Jérôme le soir? Eh ben, parce qu'il voulait faire partie de la Love Army, j'imagine. mais ça n'a rien à voir avec la keuf. On est d'accord qu'on est sur une série de phrases qui n'ont pas de rapport, en fait. Non, voilà. Donc, j'allais souvent frapper chez Jérôme. Ah, parce que... Ah, c'est un Jérôme connu? Non. Ah, okay, bon, c'est un pote qui s'appelle Jérôme, en fait. Parce que moi, je crois que c'était genre le pour banner, voir. Pour voir enfin, si... peut-être que si, d'ailleurs, je dis ça, mais j'ai pas la ref. Non, mais je veux dire, c'est pas un jeu de mots avec un Jérôme connu. Non, genre, non, non. Qu'est-ce qu'il dit juste avant? On s'en fout, on s'en gros, fout que dit, la queue-feu est bonne. Il ferait de la GAV, voilà. Il veut bien aller en garde à vue si la queue est bonne. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, quand il va chez Jérôme, ça n'a rien à voir. On voit bien que c'est une série de, voilà, de punch différentes qui terminent en on. C'est ça. Oui, mais c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est ça. Donc, il va chez Jérôme. Elle est drôle, la punchline ou... Elle est très alambiquée. Je frappe souvent chez Jérôme pour savoir... Mais en même temps, les rimes en on, il y en a mille. Donc, alors, je vais t'aider. Ça finit par bonne. C'est en rime en bonne. Parce en que fait. Sa sœur est bonne. T'es pas loin. Parce que sa mère est bonne. Alors, c'est pas le mot. Pour savoir s'il a parce de la bonne. Parce que sa sœur était bonne. Non, non, c'est la mère, mais faut que tu trouves le. Là, parce que sa mère est trop bonne. Je veux parler au gars de R&B de rue, le mec qui représente le vrai hip-hop, un synonyme de mère. Parce que sa sœur est bonne. Okay. Ah ouais, ça va chier. Waouh. Moi, j'aime bien parce qu'il s'excite vraiment fort. Ouais, parce, et que d'ailleurs... parce que derrière, t'as le DJ qui est DJ Battle. Concentrez-vous sur son hurlement. DJ Battle, déjà. Ouais. Non, moi, j'ai bien aimé. Mais j'avoue que j'aime bien ce genre de boost. Donc, aussi. Je peux rien dire. J'en ai fait d'ailleurs, beaucoup DJ dans... Battle qui avait composé la chanson Fouine Juice, qui est une chanson de 3 minutes 20 où la fouine parle de son sperme. Dans ma jeunesse de rappeur, j'ai vraiment beaucoup baqué comme ça. À un moment, c'était vraiment la mode. À hurler, tu te mettais très loin du micro et tu disais « Ouais !» Avant de terminer sur des... Quoi des mais t'as 17 la... Non, il y en a moins que ça. Il y en a 14. On va terminer. Ah, on va terminer. On va se faire une petite pause avec le frère de la fouine, Canardo. C'est son frère. C'est son frère. Mais ils sont très portés sur les animaux. À la base, leur groupe, c'est Babylon Zoo. Parce que là, il en a fait des très, très belles aussi. Et là, autant depuis tout à l'heure, c'était... Bon, vous pouviez trouver. Là, on commence à... Voilà. Oui. Et là, je crois que la première, en plus, j'ai dû la monter un peu. De l'urticaire. Non, le mien... Ton rap à la diarrhée. Ton rap à la diarrhée. Le mien... Alors, je vais la faire écouter. Dur comme fer. Non, attends, je te la fais écouter. Ton rap à la diarrhée. Attends, écoute la première parole. Parce ton rap que est tellement vieux, il est cherché par les antiquaires. C'est ça. Ton rap est trop vieux, recherché par les antiquaires. Ton rap à la diarrhée, le mien. Donc, ton rap est trop vieux. Mais attends, est-ce que c'est un rapport avec la diarrhée? Oui. Le mien a pris un Nercifuril. Le mien mange du riz. Ton rap est trop vieux, il est cherché par les antiquaires. Ton rap est de la diarrhée, le mien. Non, à la diarrhée. Ton rap à la diarrhée, le mien. À une santé de fer. Je vais vous aider, ça rime pas. Ok. Yes. Ton rap mais, à la diarrhée. Mais si je vous ai mis antiquaire au début, c'est voilà. Le mien, regarde Louis la Brocante. Attends, il y a un lien avec antiquaire, mais ça rime pas en R. Ouais. Il est dur celui-là. Il est très très dur. Et plus, il est excessivement décevant. Ton rap à la diarrhée. On peut pas trouver celui-là. Donc, non, il en a marre. Il veut rentrer chez lui. Il est en train d'ajouter sur la liste les gens qui font des mini quiz. Le mien est millionnaire. Non. Ah non, ça rime pas. Non, et c'est un lien avec la diarrhée. Non, avec l'antiquaire. Oui. Non. Avec antiquaire et la diarrhée. Les deux. Bah, c'est fort déjà, moi je trouve. Bah ouais. Mais parce que, en fait. Il n'y a pas beaucoup de mots qui ont un lien avec la diarrhée et les antiquaires. Ouais. Là, je vais semer un peu le trouble, mais le lien avec antiquaire, c'est pas un délire de champ lexique. Ah, le mien, c'est de l'antical. T'es pas loin. Ouais, un truc comme ça, quoi. C'est genre. C'est pas de la rime, mais c'est de la rime. Mais antical. Hein? Antical, ça nettoie les toilettes. Non, c'est pas ça. Le mien, c'est un désodorisant. Ah non, parce qu'il faut que ça fasse anti. Attends. Mais antical aurait été, du coup, peut-être un peu mieux que. Le mien, c'est. C'est A de l'anti. Anticerne. Non. Pourquoi pas. De l'anti. Des anticorps. Donc il... Ah oui, anticorps. Ben oui, anticorps. Ben oui, bien oh, ouais. Putain. Mais si, le mien a des anticorps. Ben oui, c'est bien, ça marche. De bons anticorps. Mais si, ça marche. Il a de bons anticorps. Moi, ça mais que moi, j'aime bien. Non, mais les anticorps, ça n'a rien à voir avec la diarrhée. C'est pas. Oui, ok, mais alors là, tu fais pas ton Julien Méniel. Non, mais moi, ton rap à la diarrhée, le mien a d'excellents neurones. Mais le anticorps. Anticorps, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo, c'est comme, mais il faut quand même que ça ait un sens. J'ai le rap dans les chromosomes, mais laisse le chromosome. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Ça n'a aucun rapport, mais c'est cool. Bah si. Laisse le chromosome. Bah, moi, ce que j'aime, c'est que vous avez. Le chrome, c'est le micro. Vous avez accepté dans votre cerveau que déjà, ça commence par ton rap à la diarrhée. Tu vois, c'est devenu normal. Normal la diarrhée. Le mec s'appelle Canardo. Je n'étais pas parti en me disant ça va être incroyable. On enchaîne, alors on revient à la Uni, la Fouine. Tu sais, pour moi, si Canardo, par exemple, il rencontre un Kenaton et qu'il parle de leur pseudo, il dit pourquoi tu t'appelles à Kenaton? Il fait en fait, si tu veux, c'était un pharaon égyptien qui a en fait été le premier à être adulé comme un dieu unique. Et toi, bah, c'est canard avec un O. Donc forcément, je m'attends à ce qu'ils disent diarrhée, quoi. Je vous fais écouter la prochaine. C'est encore une petite la Fouine. Et pareil, j'ai dû inverser pour que. Voilà. J'ai deux, trois bouts de bras de keuf dans le congélo. Il caille pour ça que sur ma bite. J'ai du labello. Ah oui, bah oui. J'ai deux, trois bouts de bras de keuf dans le congélo. Il caille pour ça que sur ma bite, j'ai du labello. Et on finit, parce que c'est déjà la fin. Oh, alors, oh, ça a été très vite, ça a été très vite. Vous êtes bon, vous êtes bon. J'aurais dû trouver moins vite. Venez celle-là, si on la trouve, on la dit pas. C'est... Si je veux que ça dure une heure. Et bah alors, celle-là, mon petit pote, accroche-toi, accroche-toi à ton micro. Des boules dans la banlieue sale, mec love dans le barbecue, salope si je te lèche la chatte. Donc voilà, je débarque dans le barbecue. Je verrai par ton trou. Salope si je te lèche la chatte. Alors ce n'est pas ça, Léopold. Ça marche. Elle pourra plus faire miaou ? Non. Tu peux me dire I love you ? Non. Il dit quoi ? Dans le barbecue ? Moi je comprends make love dans le barbecue, mais je ne sais pas si c'est ça. Moi c'est ce que j'ai compris aussi. Make love dans le barbecue, salope si je te lèche la chatte. Alors, est-ce qu'on est sur le champ lexical du barbecue ? Pas du tout. Pas du tout. On est plutôt sur le champ lexical de lécher la chatte. Mais en rime en you. En ou. On fait une insonance. Mauvaise rime en ou. Donc ça rime pas en ou, mais il a essayé. En oul ou en our ou en. Voilà, c'est ça. Encore moins bien, mais c'est ça. Moins bien qu'en oul. Barbecue. Salope, si je te lèche la chatte. En u ? Ouais. Un U qui prononce un peu ou pour faire genre. Même pas. Non, d'accord. Si je te lèche la chatte, t'auras de la barbe au cul. Oh putain. Hein? Ah, c'est un jeu de mots. Mec love dans le barbecue. Salope, si je te lèche la chatte, t'auras ma barbe dans ton cul. Ah, il arrête, en plus, elle l'a mal fait. En plus, t'auras ma barbe dans ton cul. Il dit la barbe au cul. Moi, je trouve que t'auras ma barbe dans ton cul. C'est un des trucs les plus violents du monde. C'est violent, mais surtout, tu dis, c'est dommage, je dis barbe au cul. Ouais, non. T'auras ma barbe au cul. T'auras bien ma barbe dans ton cul. Moi, j'adore. Je trouve ça très joli. Eh bien, voilà, c'est la fin de ce Fouini Quiz. Je suis très heureux de l'avoir. Est-ce que l'épisode, tu pourras l'appeler Salope, si je te lèche la chatte, t'auras bien ma barbe dans ton cul. T'as rajouté bien, c'est sur les anticorps. Tu feras attention. Ouais, okay. Bah écoutez, merci à tous d'être venus. Attends, dans ce c'est podcast. Déjà c'est déjà fini. Merci à toi de nous avoir invités. J'ai une dernière anecdote. Yes. Alors dis-nous. Elle dure une demi-heure. Elle est bien. Non, c'est pas vrai. Ah putain. C'est parce que je voulais que ça se termine jamais, parce que je suis tellement bien avec vous. Mais on te réinvitera très vite. Je propose de continuer à parler entre nous, sinon dans la vie. Mais non, mais c'est pas sympa, parce que les gens, eux, ils peuvent pas nous entendre. Non, mais moi, les gens, je pense qu'ils ont déjà. Moi, je te dis, je vais couper sûrement 2-3 trucs. Alors, donc moi, je pense quand j'écoute Floodcast, j'en ai jamais assez, je te le dis. Hein. Ah ouais, vraiment ouais. Si moi, c'est très gentil. Je sais pas si je suis l'auditeur type. Mais ça me fait plaisir. Les auditeurs, si vous êtes arrivés jusque-là et qu'en fait, vous en vouliez encore, n'hésitez pas. Dites-nous. Envoyez un tweet. À quel moment tu te les fais, les Floodcasts ? Bah tout le temps, moi j'écoute plein de podcasts. Mais genre dans le métro, chez toi En marchant souvent, parce que je suis un marcheur. Ok. D'ailleurs, à quand des marchés parlés ? Ouais, c'était bien ça. Bon, je sais pas, je m'en bats un peu les couilles, j'avoue. Ça marche. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de la ramener en ce moment. Tu te dis en fait. Je pense à un truc et je fais, oh, c'est peut-être une connerie. Alors qu'il y avait une époque, quand je pensais à un truc, j'étais là, mais partage avec le monde, mon gars, c'est trop malin ce que t'as envie de dire. Est-ce que ce serait pas la maturité, tout ça ? C'est peut-être le marché parlé de la maturité que de fermer sa gueule. De fermer sa gueule. C'est une très belle conclusion. Je vais quand même refaire un petit tour de table. Léopold, où peut-on te retrouver ? J'ai l'impression que t'as quand même réactivé un peu les réseaux sociaux à la manière de Niska, c'est ça le nom du rappeur qui fait de la repérage de meufs ? Exactement. J'ai vraiment eu peur d'être un ringard de ouf. J'étais un petit peu. Est-ce que tu as relancé, et les gens d'ailleurs ont demandé pourquoi c'était uniquement sur Facebook, pourquoi ne pas lancer une chaîne YouTube ? Mais je balance partout. D'accord. Donc, t'as une chaîne YouTube ? Ouais. Mais les gens ne le savent pas. Mais c'est vrai que j'ai plus de monde sur Facebook. Oui, parce que je vois passer beaucoup de choses du retweet. Et puis le format est plus Facebook, parce que c'est des petites vidéos, ça ne dure pas plus de 2 minutes, généralement. D'accord. Donc est-ce que tu relances un peu la machine du sketch Oui, de ouf. En ce moment, grave, ouais. J'essaie de te lancer, donc essaie de garder la parole un petit peu. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait de vidéo, et puis là, je me suis relancé, et puis je reprends plaisir à faire ça. Et oui, donc c'est dans ton mieux. T'en as tourné quelques-unes, là, qui vont sortir ou... J'en ai tourné une cet après-midi, ouais. D'accord. Qui sera balancée ce week-end, normalement. Putain, le mec ne perd aucun temps. Et donc Facebook, Twitter. Donc qu'est-ce qu'on t'appelle, Léopold ? Le Pérave, juste le Pérave. Exactement. L-E, plus loin, P-E-R-A-V-E. Pas plus loin, parce que sinon, ça ne marche pas. Ah, d'accord. C'est collé, le Pérave. Exactement. D'accord, très bien. Bruno Muschio. C'est moi. Où peut-on te retrouver pour les gens qui t'aiment ? Muschio. Muschio, j'ai dit Muschio. Mais t'es, tu vois, tout à l'heure, t'as dit Muschio. Ouais. Maintenant, là, tu dis Muschio. Muschio. Donc, peut-être que je finirai le podcast bien. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout le monde se trompe, hein, tout le temps. Bah moi, en plus, j'ai longtemps dit Navo, et après, depuis quelques années, je me permets cette familiarité de t'appeler Bruno. D'accord, Florent Bernard. Ok, ça me va. Où peut-on te retrouver pour les gens qui t'apprécient? Après Serge Le Mytho, après tout ça. Vous avez eu un prix de GQ, j'ai vu d'ailleurs. Ouais, bien joué, l'homme le plus drôle de l'année, ouais. Jonathan Cohen. Alors que pour moi, c'est Emmanuel Macron, hein, rapport à... Ouais, voilà, bah, mais on c'était y pas va. Malgré lui, ouais. C'était ceux qui le faisaient exprès. Ah d'accord, ok, d'accord. Je me permettais de dénoncer un petit peu, c'est un podcast. C'est important de dénoncer, ouais. Surtout en France, c'est un truc qui nous a vraiment apporté beaucoup de bonnes choses. Putain, t'as dénoncé en parlant de la dénonciation en France. Ouais, je suis comme ça. C'est très très beau ce que tu dénonce les dénonciateurs, moi. Putain, bien joué. D'ailleurs, si je peux passer un message, arrêtez de dire délation pour tout n'importe quoi. Je suis sûr qu'Adrien Méniel, il va être d'accord avec moi. Les gens qui disent délation pour tout et n'importe quoi. Tu fais la délation, c'était vraiment pas ça. C'est genre copie comique, ouais, c'est de la délation. Tu fais non, vraiment, arrêtez. Ah oui. Bah, Zemmour, ouais, il a fait une petite. J'ai pas trop entendu. Ah oui. Ouais, Zemmour l'a fait sur Balance ton porc en disant bah oui. Bah, ouais. Une époque, on aurait dit Balance ah, oui, ton juif. Ça, ouais. Ça n'a vraiment aucun rapport. C'est de ça dont je parle. C'est les gens qui disent je vais dire délation. Comme ça, j'aurais raison automatiquement, oui. Parce que personne dira « bah non, c'est bien la délation oui. ». Je dis, sauf qu'en fait, t'aurais plutôt dû lui dire « c'est pas de la délation oui. ». Venez, on parle d'autre chose, au pire de dénonciation. Eh bien, donc, où est-ce qu'on peut te retrouver? As-tu des projets en cours? J'ai des projets en cours dont je ne peux pas parler. D'accord. Donc, super. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Sur les réseaux sociaux, sur ouais. Twitter, même si je fais un peu moins de trucs. Et sur Instagram, je commence à faire des stories parce que je veux faire concurrence à Adrien Méniel. Et les gens m'envoient beaucoup de messages pour me dire « waouh, c'est super, on dirait Adrien Méniel, mais en bien ». Non, je crois pas. Si, si, ils me disent ça. Non, ça bah, c'est... déjà ton frère m'a envoyé ça. Ah. Oh ouais. Ça, c'est de la jalousie. C'est la jalousie fraternelle. Et sinon, bah, les derniers trucs qui existent et que vous pouvez aller voir, c'est Serge Le Mytho. Et vous avez remis Tout Bref sur YouTube. C'est, tout Bref c'est sur YouTube. Et puis il y a le making of de Serge Le Mytho. Le making of de sympa. Serge Le Mytho. Ah, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu. Les gens me félicitent encore pour Serge Le Mytho. Donc à chaque fois, bah, je dis merci. Ouais, t'as raison. Ne dis jamais que tu l'as pas fait. Non, jamais, je le dis jamais. Parce qu'en fait, c'est un mytho. Donc, du coup. Oh le ouais, con. Ouais, je suis pas mal. Je suis pas d'ailleurs, mal. Moi, je pense que. Bye, hein, quand on. Bye directement. Personne n'avait remarqué. Moi, j'avais remarqué. J'étais très insulté. Je suis content que Florent l'ait ouais, relevé pour permis. Que tu puisses t'excuser. Voilà, on t'a fait l'occasion de t'excuser auprès de nous. Est-ce que. Ok, bah, non, je m'en bats les couilles. Est-ce que 70% des interactions avec les gens de Jonathan Cohen cette dernière année est passée? Il a dit un truc et les gens ils ont dit attends c'est vrai ou pas parce que moi le truc que j'ai beaucoup vu et vraiment... Bruno je pense que tu me donneras c'est raison vrai. C'est tous les gens qui ont vu la fin de Serge Le Mytho et qui ont dit ça aurait pas été génial qu'à la fin tout soit vrai tout ouais. soit vrai ouais. tout le monde ouais. et comme vous l'avez tous dit non en fait le truc c'est que tout le monde dit ça aurait été trop étonnant que à la fin tout soit vrai que et la première comme, idée que tout le monde a eu comme vous l'avez tous dit que ouais. ce serait trop étonnant je pense que ça aurait été le truc le moins étonnant bah, en fait c'est un peu le truc voilà. des c'est un peu pareil sur les sketchs Golden Moustache souvent oui, les gens bégale, disent, ça aurait été marrant si à la fin ça aurait été plus marrant si à la fin ils sortent la première idée que ouais. tout le monde a bah oui. ce serait pas plus marrant c'est juste ouais. c'est juste il y a aussi les gens qui pensé. Disent mauvaise idée ferme ta gueule il y a aussi t'es pas auteur fais pas des blagues il y a aussi les gens qui disent pardon elle est où la chute alors que des fois peut-être c'est juste qu'elle est pas assez drôle celle qu'on a voulu mettre ouais ou alors qu'il y en a pas c'est t'as le droit aussi oui la chute n'est pas obligatoire. Et bah du coup Adrien Méniel, où est-ce qu'on peut te retrouver après le sketch show qu'on nous a annulé à toi et moi? Mais ça, tu parles le récent parce qu'il y en avait eu un. Oui, déjà il y en a eu deux. Bah là, ça fait deux sketch shows qu'on nous annule. Ouais, on oui. commence à se poser quelques questions. Voilà, donc d'ailleurs, je pense qu'on fera. Alors si t'es d'accord Adrien, et si on a le droit, faudra que je demande aux autorités compétentes. J'aimerais bien qu'on en lise en podcast. Enfin, tu vois, pourquoi cool. pas. Et juste pardon. Et l'épopée temporelle aussi. Ah oui, t'as écrit l'épopée temporelle. Voilà. Qui est disponible sur YouTube. Chercher les. D'ailleurs, c'est trucs plutôt cool, Navo, parce que toi, tout ce que t'as fait en sorte que ce soit gratos. Enfin, l'épopée temporelle, c'est pas grâce à toi, mais tout ce que t'as fait, on peut le retrouver quand même gratuitement sur YouTube. Je trouve que c'est quand même ouais. parce que moi qui fait partie de qui est derrière bah toi aussi. Moi aussi, mais je sais que c'est très compliqué. Mais toi, c'est le truc télé avant. C'est très compliqué de donner tout oui. gratuit bah sur YouTube. Oui, maintenant qu'on a mis Bref sur YouTube, oui. Voilà, c'est ça. Et c'est du coup, je trouve ça cool parce que tout est accessible sur YouTube voilà. et c'est pas si facile. Les gens le savent pas. Moi, je crois. Mais nous, quand on faisait le tour du Bagel, par exemple, c'était très dur de faire. On a réussi à mettre plein de sketchs, mais on n'a pas réussi à tout mettre. Moi, je crois très fort que les gens, quand ils aiment, ils peuvent acheter l'objet pour soutenir ou pour l'avoir, quand bien même c'est sur Internet. Ouais, voilà. Je pense la bande pas dessinée, c'est sorti en livre, ils sont tous sur Internet. Ouais. C'est juste à un moment, tu peux te dire, bah, c'est relou, au lieu de tourner des pages et de pouvoir l'offrir à un copain, je suis obligé de cliquer 27 fois. Voilà. Ouais. Non, non, je pense aussi, après, les diffuseurs télé ou les gens comme ça, des fois, ils pensent pas pareil, mais, voilà. Mais moi, donc, je suis assez d'accord. Bref, qui nous a servi de leçon, et après, bloqué Serge Le Mito, on a changé de technique. C'est que dès le début, on a dit, on veut bien le faire, mais si c'est sur YouTube. Si c'est sur YouTube. Ouais. Sinon, on ne le fait pas. Voilà. Alors que bref, c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait vendu le DVD et compagnie. Ah oui, bien sûr. Et que ouais. Forcément, les gars qui ont payé pour le DVD nous disaient, ouais. Enfin, qui ont... budgété, enfin, je sais pas dire un mot, financer le DVD, ouais, ouais. Disait, bah non, on va pas le mettre gratuit sur YouTube, on oui. vend des DVD. Oui, oui. Et je fais, mais ce oui. s'entend aussi, mais oui, parce que les gens qui achètent les DVD, c'est exactement les gens qui regardent ouais. Sur Internet. Et surtout, quand tu tapes bref épisode, tu les trouves pas du tout, les épisodes oui, sur YouTube. Oui, c'est ça, par des gens qui les ont mal uploadés voilà. En zoomant dans l'image. Il y a un mec qui s'appelle Jean-Claude qui gagne de l'argent sur notre dos, c'est ce qui se passe. Donc, Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement Alors, moi, toujours Nostalgie 2050. Ouais. Et il est super dans Nostalgie 2050. Merci. J'adore ce personnage, je trouve qu'il est vraiment... C'est ton antithèse, donc, et du coup c'est... Aurélien Fontaine. Je trouve qu'Aurélien Fontaine, il est super parce qu'il est toujours sur un fil. En fait, il la ramène pas trop. En fait, je sais pas comment dire, c'est genre le personnage existe, c'est un personnage qui est égocentrique, qui dit « moi je sais, moi je savais », qui se trompe souvent, mais qui savait. Mais sans que ce soit un gag au sens où tout est très écrit, genre je sais et je vais vous le dire. Du coup, ça glisse et ça donne une forme de réalité. Bravo. Voilà, bravo, bravo merci. À tout le monde. Je pense que j'ai pas fait exprès de faire ça. Mais... Non, tu l'as tellement fait exprès, ça s'entend. Si, c'est pourquoi parce que t'es un génie. Et là, c'est pas galvaudé. Là, génie pas galvaudé. Génie point, mon gars. Donc, non, de Nostalgie 2050. 2050 on va me voir normalement dans des sketchs qui vont sortir un jour, parce qu'avec Golden Moustache, ça met beaucoup de temps à sortir, mais j'ai joué dans un sketch d'Amore et Quentin. Carrément. Dans lequel je pousse la chansonnette. Oh, n'en disons pas plus. Non, voilà, j'ai vraiment hâte de le voir. Sachant que tu pousses aussi la chansonnette dans un autre projet qui sortira en mars. Oui, ouais, une série. Bah, ça, mais ça, on en parle un peu dans tous les derniers épisodes un peu. Mais oui, normalement une série hein, qui va sortir quand en mars. Quand elle sortira, on fera plein de podcasts pour en parler, parce que j'en ai plein le cul de dire elle va sortir, on ne peut rien dire. Mais voilà, vraiment, on va beaucoup, beaucoup en parler. Ça... Je suis content, parce que à moins que ça rechange, parce que ça change beaucoup, j'ai fait une voix dedans. Oui. Exact. Mais normalement, ça ne changera pas, non. Hein, je pense pas. Oh, tu sais. Et il y a Bruno en guest vocal. Oui, c'est vrai. Et un sketch de multiprise aussi dans lequel j'ai joué. Ouais. Moi aussi, j'ai fait une mini apparition dans un. Alors, moi, c'est vraiment un pas. Team foufou. Un team foufou, ouais. Ah ouais, oui, mais c'est ce que je leur ai dit. Hein, ils s'en foutent des spoils et tout. Donc, un team foufou un peu sur le thème du vrai hip-hop. Ok. Okay. Est-ce que je me demandais comment ils allaient aller plus loin que le chat. Non, ils changent de concept. Okay. C'est Team Foufou, mais n'en disons pas plus non plus. N'en disons pas plus non plus. Voilà. Et putain, j'avais un autre truc, j'ai oublié. Léo. Bah, dis-moi. Léo, dis un truc au hasard de que Adrien aurait pu faire. Oh, mais merde. Non, bah bon, ça c'est un tout, truc dessiné. Non, en fait, peut-être c'est tout. Peut-être que je m'invente une actualité, peut-être, ouais. Tu es en train de te rendre compte que tu bosses pas tant que ça. En fait. Ah non, ça, j'avais bien vu ça. Allez, venez, on compte jusqu'à 1000 maintenant. Non. Avant non, j'aimerais juste dire un truc que je fais en ce moment, enfin que je vais faire, et parce que j'ai vu que ça a tourné un peu sur les réseaux. J'ai rejoint le comité de sélection d'appel à projet du CNC. J'ai la chance de faire ça, c'est-à-dire qu'on va regarder plein de projets YouTube. Et on va potentiellement aider. Alors, je ne sais pas du tout comment, à quoi... Enfin, je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Il y a plein de profils. Il y a toujours la limite de 10 000 abonnés ? Je ne sais plus trop. Là, je ne me suis pas remis dedans. Je sais qu'il y a des limites qui sont un peu compliquées. C'est la première... comment dire ? C'est un nouveau projet. Enfin, je ne vais pas m'amuser à défendre le CNC corps et âme. Mais non, en tout mais cas, c'est une très belle initiative. Ils essayent. Voilà, ils essayent. Je pense que c'est encore très loin d'être parfait, mais ils viennent de commencer. Et moi, ils m'ont demandé... S'ils appellent des gens comme toi, c'est que ça ne peut que s'améliorer. Bah écoute, déjà, c'est très gentil, mais il y a moi, il y a... Le fait d'être prêt à écouter des cons, c'est quand même incroyable. Ah, c'est chaud froid, on ne sait jamais sur quel pied danser. Non, en plus, c'est relou parce qu'il commence dès décembre et moi j'ai dit décembre, je peux pas par contre. Donc je suis le comité de sélection, mais je ne ferai pas la première réunion. Wow. Et le président, c'est JR, donc que je ne connais pas du tout. J'ai hâte de discuter avec lui. Fais gaffe, il va te prendre en photo. Ouais, et mettre sur un mur géant, ouais. J'en ai entendu parler. Et il y a aussi Cyprien Yov, il y a Solange Te Parle, il y a des gens qui font du clip, il y a des gens qui font. Enfin voilà, il y a un peu de tous les horizons. Donc voilà, je sais pas comment ça va se passer. Je vous en parlerai dans un podcast une fois que j'aurai fait ça, mais c'est un peu une nouvelle aventure rigolote. Je fais ça vraiment en parallèle de mes projets d'écriture et de réalisation, mais ça m'amuse beaucoup. Ah si, ouais, et j'ai oublié, j'ai réalisé un 30 minutes pour Mister V, pour sa chaîne YouTube perso. Je sais pas si ça sort en décembre ou début janvier, mais voilà, j'ai hâte que vous voyez ça. Ah oui, et moi je me souviens du truc que je voulais dire. Je peux pas en dire trop. Je vais jouer dans un projet avec... Enfin, j'ai joué dans un projet dont je ne peux pas trop parler, avec Mathieu Madénian et Thomas VDB. Tu suis Thomas VDB partout, j'ai l'impression. Absolument. Il m'appelle parce que voilà. C'est parce qu'il a. Ah ouais, mon cœur. J'espère qu'il viendra un jour, Thomas, d'ailleurs. Faudra que je lui demande. Si tu veux, je lui demande. Si moi je lui demande, il viendra. D'accord, si c'est moi, il y a peu de chance. Non, si c'est Adrien, je pense qu'il viendra pas. Mais si, il le fait bosser partout. Il m'adore. Tu rigoles ou quoi? Bien sûr. T'adore. Bah, mon gars, attends. Moi, il m'a dit, il me met en valeur. Je pense qu'il en a marre que tout le monde l'imite, peut-être. Ouais, je pense. D'un moment, il fait, tout le monde croit qu'il s'est mimité et du coup, tout le monde le fait. C'est le nouveau Gollum. C'est ça. Et Bruno, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que pour Noël, offrez et offrez-vous le livre de Sophie Marie Larrouille. Ah oui, putain, bien sûr. Oui, c'est ça, Sophie Marie Larrouille, L'art de la guerre 2. Écoute, bah, je pense que comme c'est un truc vraiment de vrais connaisseurs, de vrais bonhommes, et que c'est vraiment un truc de l'élite, je voulais le dire à la fin. Ok, mais moi j'ai vu son cours qui était, j'ai trouvé vachement bien. J'ai adoré son court métrage. Et ouais. J'ai trouvé ça super bien. Voilà, si vous regardez le court métrage, vous verrez mon appart avec Jérôme Niel qui baise ma meuf. L'émission se termine, je vous fais des gros bisous. Bisous tout le monde, merci à très beaucoup. Bientôt. Au revoir. Salut. Il n'y a pas de musique? Normalement, si, mais je la rajoute au montage. Ok. Okay. Donc là, il y a une musique. Okay. Là, actuellement, il y a une musique. Ok, mais je l'entends pas. Okay, là, par exemple, pendant qu'on parle, il y a une musique par-dessus. Ok, donc je danse. Ouais, ouais. Tu danses là? Ouais, un instant, ouais. C'est vachement beau. Oh, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, tu fais bien. Tu prends les cours en fait. Tu fais des cours où ça? 10 euros de l'heure. C'est dans le 16ème. C'est un truc sans prétention, mais, mais ça marche bien. Comment ça s'appelle? Écoute, Tempo. C'est juste Tempo? Ouais, Tempo. Ah la vache. T-A-M-P-O? Non, T-E-M-P-O? Ouais, t'es, ouais.